J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs. Puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Bonjour et bienvenue dans ce podcast spécial Hiatus, alors que la radio est fermée. Et comme vous le savez, dans les podcasts, on va vous parler pendant des heures et des heures de sujets dont vous vous foutez peut-être. Et même sûrement, parce que là, aujourd'hui, c'est comment commencer les comics. Donc si vous avez déjà commencé les comics, je ne sais pas si c'est très intéressant, on verra bien. Donc, nous sommes à la Game Taverne. Je suis avec moi, à côté de moi, il y a Maxime. Salut Maxime. Salut, tu seras mon compagnon de micro pour cette émission. Ça m'ennuie beaucoup, parce que je préfère avoir mon propre micro, mais c'est pas grave. À l'autre opposé, il y a Mathieu. Salut Mathieu. Ouais, salut, moi je fais compagnie avec Romain. Donc, ouais, on est binôme des micros. Quand je confonds vos prénoms, ça va être complète, ça va être très très compliqué. Bah, quand c'est Mathieu, c'est toi. Quand c'est, je sais pas, autre chose, c'est bon, on se démerdera. D'accord. Et vous l'aurez compris, ouais. Il y a Romain à côté de lui. Salut Romain. Ouais, salut. Tu peux toujours m'appeler Mathieu. D'accord. Bon, bah, salut Mathieu, ça va? Ouais, ça va. Tu passes des bonnes vacances Merci. Bah, je vais laisser la parole à Mathieu. Comment va ta fille, Mathieu? Non, attends, non, c'est compliqué. Non, lui, il a un fils. On va créer un paradoxe, je crois. Fais gaffe. Et vous allez l'entendre, le fameux... Je pense que pendant plusieurs mois, ça vous a manqué. Juni. Yo. Voilà, c'est la marque de fabrique de Juni. Et bah, est-ce que ça va bien déjà, oui, Juni? Ouais, j'ai pas eu de vacances et je bosse en permanence, mais ça va. Maintenant, j'ai même fini. Non, je fais des BD maintenant. Mais j'en rappe plein de temps, quasiment. C'est drôle. Et à côté de toi, on a un invité spécial, c'est Jordan ou Jordan, je ne sais pas. Jordan, d'accord. Jordan, de la librairie Azimut à Montpellier. À ce qui paraît, oui, exactement. Est-ce que ça va? Tu n'es pas oui, en vacances, mais... Non, je ne suis carrément pas en vacances, mais ça va bien. Comment se passe cet été, plein de touristes et... Bah, c'est chiant, on nous demande du Astérix en anglais toute la journée, donc c'est compliqué. Hey, Astérix, Gaston, yeah, it's good. C'est génial. Et nous allons commencer directement. Pas de news, parce que je vais être sincère avec vous. Je me suis lancé dans, je pense, une des meilleures séries de tous les temps, qui est The Office. Et je voulais faire des news et j'ai enchaîné les épisodes. Et merde, quand c'est que je fais mes news? Et ben, je les ai pas fait. Donc il y avait juste un truc dont je voulais vous parler. Mais on a reçu un mail de la Lyon Comic Con. Ils cherchent des financements. Donc si vous avez envie de soutenir un petit festival de Lyon, mais oui, t'as lu plus le mail que moi, donc... Allez, t'es comptable, ou pas? Non? Vas-y, t'as peut-être plus compris moi que le... Non? Non, c'est juste qu'ils te demandent des sous pour le financement, et c'est déductible d'impôt à 66%, voilà. Mais si tu l'as expliqué quoi. Donc si vous avez envie de soutenir un petit festival lyonnais qui parle de comics, allez-y parce que c'est vraiment cool. On a été... De quoi? Vous êtes allé ou... On a fait, je sais plus quel, il y a deux ans, on a fait 2014 et c'était génial. Donc voilà. Et en plus c'est les gens de Comic Zone qui organisent ça et de l'association Lyon BD Ciné Goodies, je crois, un truc comme ça. Et bah, c'est des gens bien, c'est des gens cool. Non, enfin, j'espère pas. On va commencer direct du coup dans le thème, donc comment commencer les comics. Et avant on va faire un petit tour de table, savoir comment avez-vous commencé les comics. On va commencer par Mathieu, parce que je pense que moi et Mathieu on a dû l'expliquer une quinzaine de fois déjà. Ouais, vous pourrez faire attention quand même, sans déconner. Donc ouais, si vous l'avez déjà entendu, bah, là vous pouvez passer. Ouais, vous pouvez accélérer, là vous faites un saut de 35 minutes et puis... Non, alors moi j'ai commencé les comics, alors moi je suis vieux, du coup internet, le téléchargement, les scans, tout ça, il n'y a pas. Donc j'ai commencé les comics en les lisant chez un copain, ce qui se faisait relativement à l'époque. En plus c'était jeune non à l'époque? Oui, alors j'ai commencé les comics en 1992, en librairie c'était Semic à l'époque qui... Oui, ouais, bah, je vois les tronches, les bravo, oui, ouais, j'ai une quarantaine d'années dans pas longtemps. Ouais, merci, un peu de respect. Respectez-moi. Et non, et du coup, bon, là, l'édition n'était pas ce qu'elle était à l'heure actuelle. Aujourd'hui, c'est juste un plaisir de ce qui sort. À l'époque, pour s'y retrouver, hey, pas trop internet, et machin, t'ouvrais des machins, tu comprenais que dalle, parce que t'arrivais à l'épisode 926 et il se passait 600 trucs avant et 300 trucs après. Et j'ai eu de la chance. J'ai voulu acheter un numéro 1 parce qu'effectivement le numéro 94 ça ne branchait pas trop. Je suis tombé sur un numéro 1, c'était le défi de Thanos qu'on va retrouver au cinéma l'année prochaine. Donc ça c'était plutôt cool. Et en comics, c'est le truc de Jim Starlin, c'est ça Jim Starlin, ouais, avec Thanos, le fameux méchant cosmique de l'univers Marvel qui obtient les gemmes de l'infini. C'est pas super. George Perez, mec. C'est pas super accessible ça pour un nouveau lecteur. Non, je comprenais rien, je connaissais personne. Mais il y avait un gros méchant tout violet et plein de gars qui voulaient foutre sur la gueule. Bon, je trouvais ça pas sympa pour le mec violet. Mais bon, après j'ai appris que c'est un connard. Et du coup, non, j'ai commencé comme ça. C'était ultra popcorn. Alors, surtout ouais. La deuxième partie où t'avais Éternité, Chronos, je comprenais rien à ce que je lisais, mais c'était formidable. Et après est sorti le X-Men numéro 1, ouais. Jim Lee et Chris Claremont, et j'ai foutu les pieds là-dedans. Et juste après, il y a Ghost Rider numéro 1, alors là, l'équipe créative, c'était du Howard Mackie et du Mark Texera. T'as une putain de mémoire. Ouais, parce que j'adorais cette époque. À l'époque, j'achetais 2 comics tous les 3 mois. Tu te rends compte ? Maintenant, on est passé à x15. Et je me suis mis là-dedans et j'ai pas lâché. Et puis maintenant, avec Internet, avec les forums, avec ce qui sort, t'as étendu l'univers 15 fois ouais. Et la consommation est devenue au centuple. Ok, on va passer à Romain. Alors, tu moi, j'ai parlé du mangaverse. Non, vas-y, je vous parlerai pas du manga. Non, j'ai commencé avec une super maison d'édition qui n'existe plus, qui s'appelait Semic, qui faisait des trucs de fou et qui publiait en kiosque. Spawn, et c'était énorme. Et j'ai commencé à piquer un spawn d'un de mes copains de collège. Ouais. Et je trouvais ça énorme. Je comprenais rien du tout à cette espèce de bagarre entre le ciel et l'enfer et la nature. Et il y avait des vampires et des cyclones et plein de trucs bizarres. Et je trouvais ça énorme. Et j'ai continué à lire. Je suis retourné en kiosque chercher du Semic et je suis tombé sur la série Darkness. Qui était ultra dark et ultra humoristique aussi. Il y avait plein de petits monstres déguisés en Spider-Man, Wolverine, Batman, etc. C'était, Tu connaissais pas parce que tu n'avais pas lu de Wolverine et de... J'avais vu les séries télé, les dessins animés comme tout le monde quand j'étais petit. Et finalement, je suis rentré par la petite porte chez DC et j'ai acheté mon premier tome, c'était Batman Silence. Dessiné par Jim Lee. Un truc pas super accessible non plus. Au final, c'est super accessible puisque l'histoire est plutôt indépendante. T'as une galerie des personnages qui est assez large. Tu vois Batman pratiquement. Tu vois quasiment tous les vilains de Batman. C'est pas une origin story, mais t'as plein de flashbacks qui te donnent des petits indices sur l'origin story qui te permettent de la reconstituer de ton côté. Ouais. Et puis t'as Superman. C'est cool. C'est vrai. Et puis après, j'ai continué avec Superman pour demain, toujours par Jim Lee, et c'était une tuerie. Okay. Et du coup, j'ai acheté la série de Jim Lee, écrite par lui, dessinée par lui, et c'était l'histoire d'un livreur de pizza. Et j'ai arrêté d'acheter du Jim Lee pendant très longtemps. Divine Right. Ok, bon, je vais le faire vite fait. Alors moi, je l'ai déjà expliqué. Je regardais une vieille série animée qui s'appelle Doug. Je pense que plus personne ne se souvient de cette série animée. Et en fait, le personnage collectionnait des comics, collectionnait des vieux comics. Et je trouvais ça vraiment cool. Et du coup, comme mes parents traînaient beaucoup dans les bouquinistes, donc là où vous avez plein de vieux livres, je me disais, oh, putain, j'ai envie moi aussi de collectionner des vieux comics. Je trouve ça cool. Et j'ai commencé encore pire que Semic. Moi, j'ai commencé avec Lug. Donc avec des vieux Strange et j'ai commencé en lisant ça, en lisant du comics des années 50, 60, c'était assez où Iron Man ressemblait à Magnum, il avait une belle moustache et des cheveux très bouclés et c'est comme ça que j'ai commencé, c'était assez cool pour le petit enfant que j'étais. Donc voilà, et après je me suis mis avec Urban, avec le début d'Urban, je me suis mis à vraiment plus sérieusement dans le comics en lisant du DC. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et on va passer à Maxime parce que je pense qu'il a on a un peu des trucs en commun. Donc voilà. Ouais, on a carrément même des trucs en commun. Parce que du coup, moi j'ai commencé, j'écoutais des podcasts de Comics Blog sur le ciné en fait, juste sur le ciné. Parce que j'avais bien envie d'avoir leur avis. Et en fait, dans un des podcasts, ils glissent si en fait vous voulez commencer à lire, c'est maintenant, c'est le moment. Et genre en fait, ils avaient donné un lien pour acheter des comics sur le net. Du coup, j'avais acheté mes premiers comics là-bas. J'avais acheté les 6 premiers numéros de Batman par Capullo. Et en fait, j'avais trouvé ça génial. Et genre 6 mois après, Urban les sort en kiosque, en TPB pardon. Et du coup, je les avais achetés là et j'ai commencé là et voilà. Si, enfin, mais en fait non, j'avais commencé les, j'avais acheté les, tu sais, les trucs d'ici là, les la VO. Et après, du coup, j'ai passé au TPB. Et du coup, je pense que c'est à Jordan qu'on... Ah non, ah, Juni. Ok, donc Juni, c'est pour toi. Comment as-tu commencé? Oula, en fait, moi j'ai toujours lu de la BD depuis tout petit, donc le comic c'était juste une BD qui venait d'un autre pays à la limite. Et je sais que quand j'avais quelque chose comme 5 ans, je lisais les BD de Batman, la série animée. Et je considérais ça juste comme de la BD, j'avais pas vraiment conscience que ça venait d'un autre pays. C'est aux alentours de mes 11 ans que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un genre de BD américaine typiquement. Et je crois que c'était aux alentours de Spider-Man. Le premier comics américain que j'ai vraiment lu, c'était une histoire de Spider-Man qui m'avait été filée à 11 ans. Ensuite, il y a eu Avengers qui est sorti et c'est le moment où je suis allé me balader sur Internet et que j'ai trouvé un forum américain auquel j'ai demandé... je connaissais un peu déjà l'univers, j'avais lu Ultimate Spider-Man et Ultimate X-Men et, en passant vite off, et là je me suis dit ok, maintenant je vais m'intéresser vraiment à ce que les Américains font. Et dans la même année, j'ai lu, grâce à ce forum, j'ai lu Thanos, j'ai commencé par Thanos, les mêmes bouquins que toi. Et là ouais, effectivement c'est relativement dense comme truc, mais c'est génial, c'est-à-dire qu'en fait si tu pars du principe que c'est un univers partagé mais que c'est pas grave si tu sais pas tout, c'est génial. Et Thanos c'était fabuleux, c'était comme une aventure épique grecque. Donc il y avait Thanos, il y avait Hellboy, et de là en fait j'ai commencé à lire un peu tout ce qui postait, parce que ce forum fait un truc qui s'appelle le Storytime. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui se pointe et qui poste une BD, n'importe laquelle, il poste quelques chapitres, voire un run entier ou une série entière, et tu lis. Et tu découvres plein de trucs différents comme ça, et c'est absolument génial. Tu nous avais pas parlé de Chris Samnee et d'un Thor Ouais, ça faisait partie des bouquins justement, c'était la première vague quand Avengers est sorti, il faisait partie des 3 ou 4 premiers bouquins que j'avais lus, et là c'est pareil, c'était un story time d'un gars qui avait dit « Allez, venez, je vous fais lire Thor de Chris Samnee ». Et c'était génial, et je me suis mis à lire plein de Thor après ça. Et c'est ça en fait, c'est la communauté sur internet qui a fait qu'ils m'ont ouvert à certains bouquins, et de là, je me suis fait mon chemin en fait. Ok. Bon voilà. Et, on va passer à Jordan. Jordan, excuse-moi. Non, mais tu t'y feras avant la fin de l'émission, ça se trouve. Oui, mais le Mathieu Romain... Ouais, c'est encore pire pour vous, en fait. comment j'ai commencé? J'ai commencé... Enfin, j'ai toujours eu de la bande dessinée à la maison. Mon grand-père était accro, il commençait déjà les Strange à l'époque. Donc on les a toujours eus à la maison jusqu'à ce qu'ils soient détruits par un dégât des eaux. On a tous été très tristes, et je pense qu'on était 3 à pleurer, moi, mon père et mon grand-père. Donc j'ai commencé là-dessus, j'ai lu de la franco-belge jusqu'à mes 10 ans. 10 ans j'ai commencé le manga, donc j'ai lu 7 ans de manga et je me suis dit ouais c'est vraiment trop cool. Et puis un jour il y a un mec au lycée qui m'a fait t'as jamais lu de comics? Je fais non, bah tu commences avec Transmétropolitane. Et là je me suis dit ouais putain c'est vraiment trop cool, et j'ai lu donc Transmétropolitane. Et j'ai fait bon bah c'était chez Panini Comics à l'époque, donc c'était la période où les arcs n'étaient pas dans le bon ordre. Ça c'était génial. Et j'ai fait bon, mais il faut que je me les achète. Donc je suis allé sur Paris, essayer de les trouver à 85€. Et je suis arrivé dans une boutique où le mec il m'a dit ah oh, putain, mais c'est un Transmétropolitain, faut que tu lises Preacher. Donc j'ai lu le Preacher de chez Panini, qui n'a jamais été terminé, en petite anecdote, parce qu'ils sont arrêtés aux 3 tomes avant la fin. Et j'ai fait ouais, putain, c'est vraiment trop bien. Et puis un jour il me fait bon, bah t'as déjà lu du super-héros? Non. T'as en vrai de lire du super-héros? Pourquoi pas? Donc j'ai commencé avec Batman à l'époque où DC Renaissance a commencé, mais en version originale. Donc j'ai fait tous les kiosques Renaissance, j'ai fait ça pendant 2 ans, et puis après je me suis aperçu qu'en fait il est sorti en français chez Urban, et j'ai découvert Urban, et là j'ai bouffé du Aquaman, du Justice League, de tout, le Red Son, tous les classiques, plus les Teen Titans en VO toujours parce que je les aime. D'accord. Et je crois que voilà, je crois que j'ai commencé comme ça. Et ben c'est cool, hein, plein de super histoires, peut-être que ça va donner de l'inspiration aux gens qui nous suivent. Alors dans le fil rouge, le truc qui suit c'est... une question, donc je vais poser la question, on va faire un petit tour de table. Donc est-ce que les séries et les films sont une bonne base pour commencer sa culture de comics? Qui a envie de commencer à répondre à cette question? Et je pense que Juni a très envie. Parce que tu souris bizarrement. Oui, c'est principalement parce que quand on pose cette question, généralement je repense à tous les films que j'ai vus avant de lire le livre. Et tous les livres que j'ai lus avant de voir le film, et la comparaison entre les deux finalement. Ouais. Et j'ai envie de dire que généralement c'est mieux, j'en parlais tout à l'heure, c'est probablement mieux de voir le film avant de lire le livre. Et c'est ce que j'avais eu avec Avengers finalement. C'est probablement mieux de commencer avec le film directement parce que très souvent les films ont tendance à être moins fantaisistes, moins complets, moins longs, moins complexes aussi. Et au final, c'est un peu comme si on te donnait, je sais pas, une pièce, un morceau de gâteau, un tout petit morceau de gâteau, genre l'avant-goût, tu sais, quand tu vas au magasin, et tu le goûtes et tu te dis, ah, c'est sympathique, et ensuite tu vas goûter le vrai gâteau, le gâteau entier, et là tu découvres à quel point en fait c'est beaucoup plus riche que le petit morceau qu'on t'avait donné au départ. Alors que si tu commences par le vrai gâteau et qu'ensuite tu vas goûter le petit morceau qui reste, forcément tu restes un peu sur ta faim. Donc les films, à mon avis, servent bien de porte d'entrée dans ce genre de cas. Et finalement, c'est ce qui a marché avec moi. Hein. J'ai vu Avengers, ça m'a motivé à passer le pas, finalement. Alors que là, j'avais lu des petits bouquins par-ci, par-là. Mais là, l'univers m'avait vraiment semblé vachement intéressant. Mais moi, ce que je voyais avec cette question, c'est est-ce que tu peux te poser sur la base de ce que tu as appris en voyant les films et les séries télé pour te dire, ouais, je vais commencer les comics en me disant bon, je connais déjà, par exemple, Batman. Ça j'ai vu toute la série animée. Cas. Ça dépend des cas. Bah, si tu prends Batman, bon, Batman, c'est un cas particulier parce que lui, il a eu tellement d'incarnations différentes en film. Maintenant, c'est bon, quoi. Les gens savent qui il est, tu vois. Mm-hmm. Si tu prends Captain America, par exemple, si tu as commencé par le film est, à mon avis, suffisamment fidèle au perso pour que tu puisses lire n'importe quel bouquin Captain America et savoir plus ou moins qui il est. Si tu commences par la série Iron Fist et que tu vas lire la BD, là, par contre, c'est pas une bonne introduction au personnage du tout. Et là, pour le coup, tu aurais besoin de repartir au départ. Donc vraiment, c'est un cas par cas, je pense. Mais pour tous les personnages, je pense que c'est bien de commencer par le film ou la série, s'il y en a un, si ça vous amuse, et ensuite prendre une origine BD pour voir comment ils l'ont géré. Parce que comme j'ai dit, c'est toujours plus complexe, c'est toujours plus complet. T'as toujours des éléments intéressants que t'as pas dans les films, parce que ben ils peuvent pas, quoi. Donc si quelqu'un vient te voir en disant « Ouais, j'ai envie de commencer les comics », tu vas lui, enfin, est-ce que tu lui diras « Oui, bah regarde déjà les films, enfin, si t'as pas vu les films, essaye de jeter un coup d'œil à ça, ça, ça. » Non. Principalement parce que, enfin, il y avait un artiste d'ailleurs qui en parlait sur Twitter il y a pas longtemps. Il disait c'est sympa de nous dire bravo, vous allez avoir votre bouquin adapté en film, etc. Mais il dit si on fait pas ça, si on fait ces bouquins, c'est pas pour en faire des films plus tard, c'est pour que ce soit des livres. Donc si les gens viennent me voir, certes, mais si les gens viennent me voir en me demandant est-ce que ça vaut le coup de voir un film, je lui dirais si ça peut t'amuser, oui, mais le livre n'existe pas pour être en lien avec le film, il existe en tant que lui-même. Mais c'est pareil si c'est des Harry Potter par exemple, je dirais lis le livre si tu veux lire le livre. C'est pas la peine de voir les films, c'est pas utile en soi. Ok. C'est pas... On va passer à Romain, tiens. J'en prendrai la réponse de Juni, c'est du cas par cas. Voilà, il y a des cas où c'est bien de voir le film, ça peut donner envie de lire la BD ensuite. Après, il y a des cas où bah, tu regardes le film, genre Kick-Ass, t'as pas besoin de lire la BD. Tu vas la regarder, tu vas dire c'est moche, je vais pas l'ouvrir. Mais en même temps, c'est remis à Junior. Voilà, c'est Romita Junior, tout est dit. C'est Romita Junior. Après, y en a qui sont plutôt fidèles. Quand on regarde 300, bah, c'est le storyboard du film. Ouais, ou Watchmen, par exemple. C'est une partie du storyboard et ils ont pas gardé tout le storyboard, quoi. Après, c'est Snyder, je comprends que t'as envie de glisser un petit peu du Snyder. Hein. Voilà, le film vient d'être... micro. Oui, le film fait déjà 3 heures, donc bon. Et pourtant, ce qui est fou, c'est qu'il il manque au moins 3 heures. Ouais. Oui, il aurait pu faire 2 films, mais bon, il avait la flemme. Tu vas faire une série. Non, je pense pas que ça aurait accroché le grand public, 2 films non plus. Ils vont faire la série. Ouais, la série par Damon Lindelof. Ouais. Après, les séries, moi je suis pas très série. Ouais. Je vais voir ce que donne le Miller World chez Netflix. Ah oui, c'est vrai. Ça va être assez marrant. Où il y a Kirkman qui a revendu à Amazon aussi Mais c'est la mode en ce moment, ça. Voilà, il a revendu toutes ses franchises à Amazon. Et puis, sachant qu'il est en procès avec IMC, je sais pas si Walking Dead aura une fin un jour ou pas. Donc, non, c'est... Donc on va peut-être voir ça Invincible peut dégoûter. Ça me plairait, Invincible, c'est sympa. C'est pas peut-être, c'est sûr, hein. Ça a été confirmé. Là, c'est cool. Invincible, ça a été confirmé sur l'adaptation, on sait juste pas quand. À lire. Tu devrais parce que c'est vraiment bien. C'est vraiment intéressant. Invincible, ouais. C'est vraiment cool. C'est on te fait croire que c'est un univers partagé, alors que c'est pas vraiment un univers. S'il y a tellement de personnages. Ouais, mais il y a eu 3 ou 4 personnages qui sont sortis d'Invincible, mais des années après, ça devait être vers le numéro 15. Ils en sont au numéro 20. Et il y a énormément de personnages. T'as l'impression de lire un univers partagé. Moi, quand j'ai commencé Invincible, avec toutes les équipes de super-héros qui sont déjà établies, les super-héros qui sont déjà très connus du grand public, t'as l'impression d'arriver dans un univers partagé qui est déjà établi depuis 10 ans, où tu comprends tout. Et je trouve que c'est assez habile, ça peut faire une très bonne série. Mais je sais pas si. Moi, j'aime beaucoup Invincible. Si les effets spéciaux sont à la hauteur de. Après, pareil, les séries, c'est une question de budget, donc ça peut dégoûter aussi. C'est vaut mieux se renseigner avant d'aller voir. Au lieu de se dire, je vais voir Batman pour pouvoir ensuite me lancer sur Batman, il vaut mieux savoir quel film de Batman regarder. Est-ce qu'on peut se dire, je vais regarder la série Arrow, donc je peux lire du Batman. Parce que. Est-ce que ça, c'était vraiment une question? Non, c'était pas une question, c'était du troll pur et simple. On peut regarder la série Arrow et se dire est-ce que je peux éteindre ma télé. Oui. Mais par contre je pense que si tu regardes Arrow, enfin peut-être Flash, peut-être un peu moins, mais Arrow est enfin je trouve qu'il est complètement à l'opposé de ce qu'est son personnage dans la. Ben là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont sorti un comics adapté de. Ah oui, c'est vrai. Je crois que tu l'as lu, non? Tu l'as pas lu? Merde, j'ai un peu cette chance. Tu m'affiches devant tout le monde, il y a des gens que je connais. Tu as lu le comics de l'adaptation en série télé du comics. Il y a deux tomes et je les ai à la maison. C'est plaisant. Est-ce que c'est au niveau de la série? C'est pareil. C'est pareil. Donc si t'aimes la série, t'aimes la BD, tu vois. Ah merde. Ah mince. Mais c'était plaisant. Enfin, moi j'avais bien aimé. Ok. Mais je ne le lirai pas, je pense, mais pourquoi pas. Mais moi, ce que je me pose, est-ce que tous les jeux, est-ce que les petites filles qui regardent Arrow, Flash et Supergirl vont se dire ah bah j'ai lu Arrow, Flash, Supergirl, j'ai envie de lire du comics quoi. Est-ce que c'est une bonne base pour Je suis pas sûr que la cible de ces séries lise des comics déjà de base. Oui, mais oui, c'est ce que je dis. Et je pense que les très jeunes ne savent même pas que ce soit des comics. Smallville n'a pas motivé les gens à lire plus de comics que ça. Il y en a même, je crois que je vous ai raconté cette histoire, le coup des ados dans mon bus à l'école qui m'avaient dit que elles avaient même pas capté que c'était sur Superman. Mais je crois qu'il y a des comics Smallville. Et bizarrement, ça arrive relativement souvent que les gens qui mettent ces trucs-là ensuite me disent mais il y a des BD, j'étais pas au courant. Et ben, je pense que ça a plus à voir avec le fait que les séries et films font pas suffisamment de, il y a pas suffisamment de marketing par rapport au bouquin d'origine, si tu veux. Donc les films existent, mais souvent, j'ai l'impression que dans l'inconscient général, les gens se disent c'est des adaptations de BD qui datent d'il y a 50 ans et aujourd'hui on n'en fait plus. Et du coup, la quantité de gens qui passent du film série au bouquin est assez minime finalement par rapport à la quantité de gens qui regardent ça à la base. Ouais, après moi par rapport à Smallville, les gens ignoraient que c'était un comics, mais faut pas oublier qu'il a jamais porté le costume des 10 saisons aussi. Il avait juste des pouvoirs, on aurait pu regarder Calix Y et on aurait à la fin. Tu mens, il l'a porté dernier épisode en hors champ, s'il te plaît. Ah, c'est le dernier que j'ai vu, c'était le seul en 5 ans. On le voit dans un reflet de voiture, je crois. Ouah, wow, super. Non mais c'est pour dire, ils savent que les spectateurs ou spectatrices de ça sont pas là pour des bandes dessinées, ils vont pas nécessairement s'y intéresser. C'est possible, c'est tout à fait possible, mais c'est pas l'objectif de base du truc quoi. Je sais qu'après nous on le voit sur Walking Dead par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent à la boutique en disant ouais j'ai vu la série, vous me conseillez la BD? Bah ouais, parce que vous allez voir il y a un scénario et généralement les mecs ils font quelques temps plus tard tu les vois, ils reviennent, ils achètent les 27 tomes d'un coup et ils font ah en fait c'est vraiment bien et il y a plein de trucs qui changent et en fait c'est vraiment pour adultes, c'est moins teenager que la série au final parce qu'elle est quand même édulcorée. Ouais, parce que c'est la question que j'allais poser, c'est la différence d'âge et de maturité limite j'ai envie de dire entre les spectateurs de Walking Dead et ceux de Flash ou Arrow ou de Riverdale. C'est la même cible finalement, c'est juste qu'il y en a qui ont des costumes et d'autres qui font des chansons sur scène. La CW il se cache pas que c'est un gros univers partagé, donc je sais pas où vous en êtes mais je suis à jour de Arrow et Flash. Et genre, ils disent bien, il y a Batman, oh, Batman il est à Gotham City, oh, on va pas le voir. Genre, tu vois, ils insistent, tu vois, genre, et au cas t'as pas compris. Ils te parlent bien de Gotham. Ils te disent, oh, il y a un autre milliardaire à Gotham, lui aussi il se déguise. Ouais, mais t'as plein de choses comme ça. Dans Flash, ils ont un téléphone avec les numéros de Batman, de Wonder Woman, de Superman et tout. Donc ils savent que Bruce Wayne est Batman. Puisqu'ils savent que. Mais c'est le genre de truc que, bah c'est pareil, c'est pour l'audience qui va pas lire le bouquin, c'est pour l'audience qui va aller sur YouTube pour voir toutes les références dans les derniers épisodes de Flash. Oui, bah oui. Voilà. Et, j'avais une galerie, est-ce que les gens qui regardent Riverdale, vont partir sur du Archie Comics. Ah ça je sais pas. Sachant que à mon avis c'est impossible à trouver en VF. Bon après c'est pas fait pour le public français de base, mais c'est pour ça ils prennent la cible américaine, ils prennent les ados américains comme cible, et c'est pour ça que t'as Archie au début d'un épisode qui est à moitié à poil dans le froid et qui court parce qu'il est torse nu et qu'il est bien gaulé, tu vois. Mais c'est tout. Leur cible, le but de la série, elle est pas là pour dire regardez à quel point ça pourrait être cool d'adapter la bande dessinée, elle est là parce qu'ils ont un matériau. Et c'est juste parce qu'ils ont une licence quoi. C'est exactement comme quand ils font un reboot de quelque chose. C'est juste que là c'est une bande dessinée, ça pourrait être un livre comme Gossip Girl ou Twilight, ouais. Mais c'est juste c'est une licence, ils l'adaptent dans un truc, ils le modifient pour le faire correspondre aux critères de l'audience qu'ils visent. Ça pourrait être des adolescents de 14 ans, ça pourrait être des bodybuilders de 48 ans, tu vois, okay. ça serait bizarre d'ailleurs. Je pense qu'on a fait le tour de la question, notamment grâce à Johnny. Et on va passer à une autre question. Ouais, moi j'ai pas répondu. Ah, t'as pas répondu, excuse-moi, ouais, vas-y. Alors, non, mais une question spéciale licence. Donc ce qui est bien dans Star Wars. mais juste oui, je rejoins l'avis des collègues. Faut pas oublier que tout ça, c'est une excellente porte d'entrée quand tu connais rien du tout, parce que c'est facile d'aller au cinéma, c'est facile d'avoir Netflix, et si vraiment tu t'emmerdes, tu as aussi les séries Arrow et compagnie. Mais ça reste quand même des adaptations, et effectivement, comme disait Juni, ils prennent un matériel de base qui a fonctionné en bande dessinée et il adapte en fonction d'un public. Donc effectivement, tu as les séries Netflix qui sont un peu plus dark, un peu plus adultes, tu as les séries CW, donc Supergirl, Arrow, Flash, qui sont un peu plus teenage, et là pour le coup effectivement tu as les séries, tu lis le comics derrière, il y a peu de chances que tu t'y retrouves, mais ça reste quand même globalement quand tu connais rien, tu vas mater les films Marvel, il y a derrière quand tu vas lire le comics, tu auras 2-3 bases, donc que ça soit une porte d'entrée, oui. Après, sur Marvel un peu plus quand même, ils se calquent vraiment sur les... Genre il y a Civil War qui est sorti, ils ont fait Civil War 2, tu vois. Oui, ouais, puis en plus ils se calquent vachement. Ça marche à l'inverse, c'est-à-dire que même des fois tu as des comics qui... Les comics ils marchent au cinéma, tu as un écho derrière dans les comics qui reviennent, donc c'est forcément lié, mais ça reste quand même, quand tu connais que dalle, une porte d'entrée acceptable. Alors avant que tu commences, les deux là, c'est le... C'est des tunnels de 10 minutes, donc tu attends qu'ils finissent de parler, puis après tu... Donc vas-y. Après, le seul truc, c'est que là, on a juste parlé des séries qui sont les séries modernes, Netflix et les films. Ouais. On n'a pas parlé de l'animé de 92 de Batman, on n'a pas parlé de la vieille série X-Men. Donne... C'est des trucs qui sont quand même plus proches du matériau de base. Moi, Batman, la série, je l'ai dévoré. Quand j'ai lu les comics, j'étais là, j'étais pas perdu. Je connaissais les personnages, je connais l'ambiance. Mais je pense que l'animé te donne plus envie de... Tu vas mater un animé... Tu auras plus envie de lire le truc dont c'est tiré qu'une série live. Parce que c'est un peu c'est du dessin, ça reste du dessin. Donc t'as peut-être. Fin... Ouais, parce que Batman and Friends, où à chaque fois il choisit un super héros pour être son copain, genre hey Aquaman, tu veux qu'on aille sauver le dauphin ? The Brave and the Bold ? Ouais, mais c'est. Il faut que tu le revois, ils sont vraiment bien ces trucs. Il y a des trucs super. Il y a des épisodes qui sont vraiment géniaux. Non, mais t'as des séries, t'as des dessins animés récents qu'on regarde pas parce que ça passe sur Gulli ou je sais pas quoi. Ah oui, le nouveau. Mais oui, t'as des trucs en cel shady sur Avengers, etc., qui sont tirés des films, qui au final sont plus proches du comics que. Bah, le nouveau truc Harley Quinn et Batman là, qui apparemment. Donc, selon Johnny, c'est nul, mais moi j'entends. Non, c'est pas nul, c'est pas nul, c'est. Bon, ouais, c'est pas le sujet. Mais le truc avec l'animation, c'est que c'est un public très limité qui très souvent lit déjà, pour le public adulte, lit déjà les bandes dessinées. La majorité des adultes, ou des ados d'ailleurs, ont pas tendance à aller vers l'animation parce qu'il y a ce stigma de c'est pour les enfants. C'est la majorité. Alors justement, c'est ça le paradoxe du truc, c'est que bizarrement, tu vas trouver plein de gens qui seront capables à 18 ans de regarder Naruto, mais si tu leur proposes de regarder Spider-Man, ils vont dire non parce que c'est pour les petits. Et je comprends totalement pas la logique, hein, mais voilà, c'est bizarre. C'est vrai, c'est le gros problème qu'il y a eu par exemple avec l'adaptation du film The Goon, ils ont adapté un comics dark en dessin animé pour adultes, et ils ont réussi à boucler le film, sauf qu'ils arrivent pas à le vendre parce que personne ne veut distribuer une adaptation de BD. Un dessin animé pour adultes, pour purement adultes, un dessin animé interdit au moins de 18 ans, personne ne veut le distribuer. Ouais, c'est trop difficile. Ça, c'est une problématique à l'international. Si regarde, oui. Enfin, même en France, si tu regardes Wakfu, aujourd'hui, la saison 3, elle a été interdite par France 3, plus financée parce que c'était trop adulte. La semaine, on a eu un financement qui, à la base, devait passer sur France 3. Et quand ils ont vu la série, ils ont fait non, ça ne peut pas passer sur France 3, ça va passer sur France 4. Donc, vous allez toucher 10 fois moins de pognon que si c'était passé sur France 3. Il y a cette problématique-là partout. On pense que le dessin animé, c'est pour enfants. Mais pourtant, si tu regardes les gens qui sont en train de lire, ils font ouais, j'ai regardé l'animé, aimé, c'était vraiment cool. Et c'est un peu un paradoxe des distributeurs, mais en même temps, putain, on prouve que ça marche. Last Man, ça a fait un carton et c'était le truc le plus regardé sur la VOD France 4 de l'histoire de la VOD France 4. J'avais même pas qu'il y avait un site de VOD, enfin tu vois, enfin, c'est quand même un truc. Donc, après, pour clôturer la question, alors du coup, je parle sous caution, j'ai Maxime qui est la caution chiffre et donc il y a Jordan qui travaille en librairie. C'est que, mine de rien, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on a des films super-héros, des séries et trucs comme ça. Est-ce qu'on a attiré énormément de nouveaux lecteurs aux États-Unis? J'ai pas l'impression. Moi, les chiffres que j'ai vus à droite à gauche, c'était que le cœur des lecteurs aux États-Unis, c'est-à-dire les mecs qui vont acheter leur single, le single c'est donc le format pourri qui sort tous les mois gavé de pubs sur du papier à chiottes, ils sont. Pas les sneakers. Ouais. Non, voilà, pas pourquoi t'aimes pas les sneakers, franchement. Non, mais ouais, ça, ouais. T'es en train de lire du Green Lantern et d'un coup, putain, il bouffe un sneakers. Mais pourquoi? Ah oui, pardon, c'est une pub. Putain, j'ai pas fait attention. Il a pas des masses bougé, c'est limite un demi-million, c'est 400, 500 000. Si jamais tu fais du numéro 1 avec Spider-Man qui a un nouveau collant, là, tu vas en vendre un million. Le premier Star Wars en a fait un million, mais derrière le cœur de cible, c'est-à-dire les mecs qui vont se déplacer pour acheter des comics, n'a pas des masses bougé. Donc quelque part c'est un excellent point d'entrée dans les comics, mais derrière, moi, de ce que j'ai lu lire à droite à gauche, c'est que oui, tu as vu au cinéma un film qui te plaît, tu vas dans ta librairie, tu parles au gars qui est super sympa, qui va te dire oui c'est pas mal ça, le mec va acheter 4 BD, 5, 6, une fois tous les 6 ans, puis il va pas enchaîner derrière. Donc ça catche pas vraiment, attention, bon américain, ça n'attrape pas vraiment le lecteur sur le long terme, quoi. Et ce qui est plutôt paradoxal, parce que c'est quand même des films à 200 millions à chaque fois. Et, après, ils ont un paradoxe de plus. Ben, c'est surtout Marvel en ce moment par rapport à DC. C'est, tu regardes un film avec, exemple parfait, tu regardes un film avec Thor, et Thor est un mec, et tu débarques dans la BD, et d'un coup t'as une meuf, et l'univers n'a strictement rien à voir, ils ont changé plein de trucs. Et c'est pas nécessairement un problème. Après, ils font l'offre des deux. Enfin, genre, tu prends Thor, genre aujourd'hui tu veux lire Thor, t'as Unworthy Thor avec le Thor. Oui. C'est après t'as Mighty Thor avec. Ouais, non, mais c'est pour dire, ils ont atteint un stade où ils ont aliéné leur audience de base, et la nouvelle audience qui arrive, comme tu dis, elle lit un ou deux tomes et puis ensuite elle se casse. Le meilleur exemple que j'ai, enfin mon exemple préféré, c'est Black Panther, où il l'avait sorti en mode c'est Black Lives Matter et machin. Le truc, il a vendu super bien la première fois, et puis au fur et à mesure que les numéros arrivent, au numéro 3, les gens avaient arrêté de l'acheter. Mais regarde, ils sont en train de revenir sur ça avec Legacy, ils reviennent sur tous les trucs. Bah justement, ils ont fini par capter, hein. Mais voilà, c'est un problème autre, c'est ce même que par rapport au film. En revenant aux bases, ouais. en se disant avec New 52, on va revenir aux bases, on va essayer de ramener du monde. Et finalement, ça a un peu râlé en disant ouais, on veut notre multivers. Oui, non, le fan de comics, c'est chiant. Le fan de comics veut de la différence, mais il faut que ça reste pareil. Donc là, avec Rebirth, on revient au multivers. Et là, Marvel est en train de refaire la. Il repédale en arrière en mode bon, bah on fait. Après, ça c'est Marvel et DC. Après, t'as tous les indépendants à côté où t'as un film qui sort une fois tous les Mathusalem. Et souvent d'ailleurs, les gens savent même pas que c'est une adaptation de bande dessinée. Et là, pour le coup, je crois que le lien film-BD est pas super évident. Oui, James disait Kingsman, mais effectivement. Kingsman, c'est l'exemple parfait, il n'y a personne qui sait que c'est une BD. Ouais, mais voilà, et c'est pour ça les gens qui achètent le truc à la base, le livre, je pense pas que ça fasse changer les ventes des bases. 300, Watchmen, les gens de. Là, l'autre de Moore, là, les Gentlemen de. Non, les Gentlemen extraordinaires. Voilà, il y en a, mais combien t'as d'adaptations maintenant? Bon, c'est pas les meilleurs. Pilgrim, par exemple, je serais curieux de savoir, tu vois. Bah, après... c'est vieux comme truc, ça commence avec The Crow, t'as plein de vieux films. Mais ça, le truc, c'est que quand tu vois super-héros dans un film, dans ta tête, tu te dis comics parce que c'est connu, enfin, tout le monde sait que les comics, il y a des super-héros dedans. Pour revenir à ce que tu disais, tu vois, le cœur du comic, c'est ce qui bouge pas. Mais genre, à mon échelle vraiment locale, donc c'est-à-dire au relais de Magar, en fait, le mec reçoit 10 comics de chaque, en fait. Et genre, à chaque fois qu'il y a un film, il sort, tu sais, Panini, il te sort un truc, le comics prélude au truc. Donc, c'est dessiné avec le cul, c'est écrit avec le cul. Et genre, à chaque fois, j'essaie de m'en choper un. Impossible. Les 10, ils sortent, je te dis une connerie, le 5 août. Je vais le 5 août à 8h. Le mec, il me dit, ah, mais non, en fait, ils sont tous réservés. Et c'est un mec qui me les a pris. Par contre, tu viens en librairie pour ça. Tu viens chez nous, on les a. Personne n'y touche, il y a une masse de poussière gigantesque. Voilà, tu vas chez ton libraire indépendant. Et voilà. Et tu auras tout ce mais comme on disait ça. Juger, tu vois. on va pas te juger. On va te le vendre juste avec un grand sourire. Non, mais il y a toujours de la curiosité. Hein. J'ai acheté un Gwenpool. Voilà. J'étais curieux. Ah, Gwenpool, c'était cool. Mais pour revenir au délire de. On sait pas que c'est des films. Moi, je pense que c'est l'exemple parfait et que c'est pas que en comics. Quand tu regardes La Vie d'Adèle, qui sait que La Vie d'Adèle, c'est un... C'est un... franchement, le film est bon. C'est un autre débat. J'ai apprécié le film, mais il y avait... C'est un film de cul, quoi. Enfin, c'est okay. Un beau film de cul. J'en sais rien, j'ai pas vu. Mais donc, ouais, pour les trucs indépendants comme ça, qui sont pas stigmatisés, on va dire. Disons que t'as des types de BD, quand tu les adaptes en film, ça se voit. Si tu vois un gars en collant avec un costume coloré, tu vas dire, ok, lui, il a forcément une BD quelque part derrière qui existe. L'anecdote que j'avais derrière la vie d'Adèle, c'est que le mec, à Cannes, a même pas remercié dans son discours quand il a gagné la Palme d'Or, ou je sais plus ce qu'il a gagné. Il a même pas remercié dans son discours la meuf qui a écrit le bouquin, quoi. C'est ouf à ce moment-là. C'est pas Besson, je sais plus comment il s'appelle. Je pense que les bouquins indépendants sont pas autant touchés par leur adaptation en film que les trucs de super-héros. On est parti en discrétion de ouf et je voulais une émission très New Riddler friendly et on est parti en débat très très très très compliqué. Suffit de couper la dernière demi-heure et ce sera bon. Bah, à la limite, tu dis juste que si vous voulez vous mettre au comique, vous commencez les séries, vous faites les films, au pire ça va vous accrocher ou pas. Et n'allez surtout pas voir Valérian de Besson, voilà. Oui, voilà, oui. Et voilà, bonne journée. On va passer à un deuxième, et c'est bien que Johnny n'ait pas le micro, parce que je pense qu'il aura beaucoup de choses à dire sur ça. Chopez-le, cassez-y les jambes. Pourquoi se lancer dans DC et Marvel? Donc on va donner les raisons pourquoi on veut pouvoir se lancer dans DC ou dans Marvel. Et après on va passer à pourquoi il vaut mieux éviter DC et Marvel si on veut commencer les comics. Qui veut commencer? Ce vaste... Ah. Bon, vas-y Johnny. Puisque personne ne parle. Il faut que tu parles positivement. Non, pourquoi je fais ce que je veux. Ok, en fait, je pense pas que ce soit une question de choisir ou de les lire ou de ne pas les lire. C'est plutôt... Enfin, moi, j'ai approché ça avec une logique où je lisais déjà de la BD avant. Donc, je voyais pas vraiment de différence entre Spirou et Batman. Et donc, quand je me suis... Non, mais en termes de... Pour moi, c'est de la BD, tu vois. Donc dans ma tête, c'est de la BD, donc pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre Naruto et Batman et Spirou. La grosse différence entre Batman et Naruto et Tintin et tout ce que tu veux, c'est l'univers partagé. Et que tu vas lire du Tintin, tu vas acheter n'importe quel Tintin, tu vas comprendre. Mmh. Tu vas acheter un kiosque de Batman, genre le numéro je sais pas combien, tu vas rien comprendre quand tu vas ouvrir. Ça dépend. Franchement, si le bouquin est bien écrit, tu peux ouvrir n'importe quel Batman ou n'importe quel Spider-Man ou n'importe quel Thor et comprendre l'histoire qui se passe dedans. Parce que Spirou, finalement, c'est pareil. Tu peux arriver dans un tome de Spirou et le gars, il est dans une espèce de copie bizarre de l'Allemagne avec un baron von machin truc. Et c'est pareil, tu vas pas comprendre ce qui se passe si t'as pas vu ce qui se passe avant ou ce qui se passe après. Mais si c'est bien écrit, tu vas comprendre quand même l'histoire. Et Thanos, c'est comme je disais, j'avais commencé à lire Thanos. J'avais pas vu son origine et quoi que ce soit, mais c'est suffisamment expliqué pour que tu saches. Sans avoir besoin d'avoir lu. Mais est-ce que tu vas vraiment l'apprécier? Et c'est un truc que Stan Lee disait justement, c'est que tous les bouquins de super-héros comme ça, tous les comics qu'il faisait, pour que ce soit bien écrit, il faut que n'importe quel lecteur arrive sur n'importe quel bouquin et puisse comprendre où il en est dans l'histoire, même s'il n'a pas lu ce qui se passe avant. Qu'il puisse comprendre ce qui se passe. Ne serait-ce que les tenants et aboutissants du truc, il n'a pas nécessairement besoin de connaître tous les détails de leur vie, tu vois. On a tous des exemples où ça n'allait pas forcément, genre tu vas lire. Oui, mais ça c'est plutôt la force, c'est plutôt la faute des gars qui ont fait le bouquin, quoi. Mais dans la théorie, pour que le bouquin soit bien fait. Tu devrais pouvoir comprendre. Et c'est un truc, c'est pas un problème que j'ai eu avec la majorité des bouquins que j'ai eu. C'est. Je suis arrivé dans un bouquin, j'ai commencé à lire, j'ai lu Agent Venom. Le seul truc que je savais de Flash Thompson avant Agent Venom, c'était que c'était un connard au lycée, quoi. Le reste, je l'ai appris dans l'histoire au fur et à mesure qu'elle avance. Et si le bouquin est bien foutu, ça marche super bien. Le seul trouble que j'ai eu avec Agent Venom, c'est quand il commence à faire des crossovers du genre « Ouais, si tu veux la fin de cet arc, il faut que tu ailles lire l'autre bouquin, dont tu te fous totalement. » Ça, c'est un autre problème que t'as pas avec Spirou, par exemple. Mais voilà, c'est chaque médium, enfin chaque type de bande dessinée, on va dire, a ses avantages, ses inconvénients, et tu fais avec, quoi. Mais la question, c'était pourquoi tu vas avoir envie de te lancer dans du Batman? Franchement, comme je disais justement, dans la mesure où moi je voyais pas franchement de différence, je voyais pas de segmentation, si tu veux, entre les différents types de BD, je me mettais à lire un Naruto et je me mettais à lire un Spider-Man, pour moi c'était pareil, c'était de la bande dessinée. Du coup, je lisais ça avec le même objectif, c'est-à-dire j'aime ça parce que le dessin, le personnage, le concept, machin. Et une fois que j'ai fini de lire ça, je passe à autre chose. Et à mon avis, ça devrait être la logique, justement. Tu lis un bouquin juste parce que le dessin te plaît ou l'histoire a l'air intéressante. Et ça devrait être le même principe. En fait, tu comprends pas ce qu'il essaie de te dire, c'est parce qu'en fait, il a fait un plan, tu vois. Genre, c'était. Tu vois, c'était. Pourquoi genre, les bandes dessinées, les films, c'est une bonne porte d'entrée. Et du coup, tu commences les trucs parce que t'es rentré par la porte d'entrée. Et toi, t'es en train de dire non, moi, je passe par le garage, bitch. Non, donc, ce que je te dis justement, c'était pas obligé de fonctionner avec la logique de je passe par le film, puis ensuite le bouquin de super-héros et machin. Ce que je dis, c'est tu prends la logique que tu veux, tu rentres dans le magasin, tu prends le livre que t'as envie de lire. C'est pas grave si c'est pas du Spider-Man, tu peux lire Lumberjanes ou tu peux lire, je sais pas, Hellboy ou. Tu prends ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu prennes une BD et puis de là. Parce qu'après tout, il n'y a pas que les super-héros, tu peux lire n'importe quoi. Tu peux passer ta vie entière à lire de la BD américaine sans avoir touché sur Marvel et DC en mode. Voilà, et ce à quoi je réponds, t'es pas obligé de dire oui ou non au truc, tu peux prendre ça, plus le reste, et puis ensuite tu choisis dans Marvel ou DC ce qui t'arrange le plus, ce qui te plaît en ouvrant le bouquin, en te disant tiens, ça a l'air sympa. Après, t'as une éducation assez particulière parce que toi tu dis c'est de la bande dessinée. Moi je le vois tous les jours à la boutique quand tu dis à un mec attendez, vous aimez la SF, je vais vous conseiller un truc comme Saga. Ouais. Je leur dis par contre, je vais devoir aller chercher dans la boutique comics. Le mec il te regarde, il fait un comics sérieusement. Il va avoir des collants ? Non, il va pas y avoir des collants. Et on essaie, ça commence à changer, ça. C'est pour ça que je dis ça, justement. Mais réellement, pendant des années, on était en train de dire ouais, je lis des comics. Ouais, tu vois des mecs en collants en train de jeter des pouvoirs avec leurs mains ou leurs yeux, et puis il n'y a aucune problématique. C'est un peu le souci. Spirou, c'est vrai qu'on a une tradition belge. Ça fait des siècles qu'on voit du Spirou. D'ailleurs, ils vont faire une adaptation au cinéma et n'allez pas la voir. J'ai vu la bande-annonce aujourd'hui et. Non, faut pas. Mais voilà, après, oui, tu commences avec ce que tu veux. D'ici, moi j'ai commencé avec Vertigo, parce que j'ai commencé avec Transmétropolitan. J'ai commencé avec Preacher, le super-héros, c'est arrivé bien plus tard. Lumberjane, ça me tente bien. Faut commencer avec ce qu'on veut. Moi, je sais que mon père, là, il avait lâché les comics. Quand je lui dis, je vais te faire lire Red Son, c'est Superman qui est parti 12 heures plus tard de sa planète et qui arrive en URSS à la place. Il m'a dit, putain, c'est trop cool. Et là, je m'aperçois que chez lui, il y a de plus en plus de comics qui sont en train d'apparaître. C'est parce qu'il a commencé par une histoire qui lui plaisait. C'est pas parce que c'était DC, parce que c'était Marvel ou c'était Image ou c'est. Ouais. Dommage sur ce là. Il y a un gars que j'ai rencontré il y a pas longtemps à qui j'ai fait lire le premier tome de Hawkeye. Et lui pour le coup m'a dit si c'était basé sur les films, il aurait jamais ouvert un bouquin ne serait-ce que de super-héros et encore moins Hawkeye parce qu'il en avait strictement rien à battre. Et il m'a dit j'aurais jamais pensé qu'un comics de super-héros puisse avoir un dessin comme ça, une narration comme ça, un scénario comme ça. Et c'est pour ça que je dis oui, parce qu'il y a des clichés. Tu vas et tu laisses ta curiosité choisir. DC, Marvel ou quoi que ce soit d'autre, c'est pas vraiment important en soi. C'est tu vas découvrir de toute façon les avantages et les inconvénients de chaque type de que ce soit super-héros avec univers partagé ou bien une série fixe avec son univers à lui. Tu choisiras ce qui te plaît et puis ensuite t'avances quoi. T'as forcément une série qui va te plaire. Chez moi, c'est le truc qui vient souvent, c'est le mec qui lit que du manga quand je leur sors Rust. Je sais pas si vous l'avez lu, c'est un hommage à Evangelion, parce que c'est juste à la place des innocents, parce qu'ils sont tous crevés, on va mettre les pires connards de l'univers dans ces robots. Et c'est exactement, on a l'impression d'avoir une suite d'Evangelion, et quand je leur dis ça, ils me font « Ah mais ça peut être sympa le comics !» Généralement ils lisent Rust, et après ils vont s'intéresser au truc. Il faut trouver un point d'accroche. C'est le plus important, c'est de trouver un point d'accroche, c'est de trouver il y a forcément un pote dans votre entourage qui lit du comics, où on trouve quelque chose, enfin je sais pas quelle est la hauteur d'âge de l'audience, mais si vous avez 70 ans, non, il y a peut-être pas forcément de gens autour de vous qui lisent du comics, voire ils sont morts, mais mais voilà, pour les enfants ou les machins. Voir leur petit-fils ou leur petite-fille. Il faut aller voir votre petit-fils. Voilà. Et sinon, toi, pourquoi t'as eu envie de lire du DC ou du Marvel ? Oui, je reste sur mon truc de DC et Marvel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire je vais lire du Batman parce que ça a l'air sympa Batman, moi j'avais grandi avec la série télé, donc de 92 parce que j'étais en plein dedans, mon père était fan, donc tous les dimanches matins on regardait Batman, tous les dimanches matins on regardait Justice League, tous les matins on regardait que ces dessins animés là, c'est une très mauvaise enfance parce que j'ai passé mon temps devant la télé, tout ce qui est les cheveux. Ouais, c'est vraiment chiant, mais mon père m'a fait sécher les cours parce qu'un jour on lui a prêté l'intégrale en cassette des Chevaliers Zodiac, j'avais 10 ans, et c'était pour que je les mate tous parce qu'il m'a dit ça te servira un jour dans ta vie. Toi t'as un bon père. Voilà, et je suis devenu libraire, il a eu raison, ça m'a servi. Il adopte ton père ouais. Ouais, si tu négocies bien, ouais, pourquoi pas. Mais, si tu apportes beaucoup de BD, je pense que vu tous les BD qu'il y a chez toi. Mais après moi j'ai commencé, vraiment je disais vraiment que de l'indépendant, je me suis intéressé parce que Renaissance est sorti, donc je me suis dit c'est un point d'accroche. Et après il y a des super-héros, c'était mon libraire à l'époque qui m'a dit « Mais tu veux pas lire du Aquaman, c'est vraiment bien ». Et j'ai fait « Aquaman, tu te fous de ma gueule ». Et il m'a offert le tome, tu vois. Le fameux Aquaman de Geoff Johns. C'est exactement celui-là je l'ai remercié. Mais oui, il me l'a offert, tu vois, parce que j'étais en train de dire, mais jamais je lirais un mec qui porte des collants orange avec un slip vert. Et pourtant, je lisais du comics et j'avais quand même des préjugés là-dessus. Enfin, sur ce personnage-là, mais c'est normal, il parle aux poissons. Non, il parle pas aux poissons. Faut pas le lancer là-dessus. Ok, bon, on va continuer le tour de table. Qui a envie ? Maxime, Romain, Mathieu. Mathieu, allez, vas-y, Mathieu. Moi, Mathieu. C'est toi Mathieu ou moi Mathieu? Lequel Mathieu? Le rouge. Le rouge. Le rouge. Ah, ah merde, c'est moi. Il y en a un qui a un bon truc. Non mais alors. J'ai... Ouais c'est ça. Ouais. J'ai... On n'a rien contre. T'es communiste Mathieu? Parce que t'as dit ah, le rouge. Je suis démasqué. Alors le communisme vaincra bien sûr, mais non, mais je suis, on n'a rien contre ta question, James. Mais effectivement, je suis d'accord avec les collègues. On n'a pas la culture en France de DC Comics, DC ou Marvel. Aux États-Unis, c'est la guerre ouverte entre les deux parce que voilà, t'as tel héros, tel héros. Moi, à chaque fois, je parle de comics à des gens qui ne connaissent rien, qui ont vu une paire de films, un truc comme ça. Ils s'en battent, enfin pardon, ils s'en foutent totalement de savoir à qui, quel éditeur appartient à machin, machin. Tant que t'as des bonnes histoires, je pense qu'en France, on a plus cette culture-là. Et effectivement, le, comme disait Jordan. Ou même Juni, le problème c'est d'avoir un point d'entrée, t'arrives avec un point d'entrée. Moi, mon point d'entrée à l'époque c'était Semic, c'était Marvel, parce que DC Comics donc, n'existait pas oui, en ben France du tout. Bravo Urban. Si Semic, ils ont fait. Ils ont fait, mais ils ont, ça a jamais marché. Voilà, ça a jamais pris. Du coup, j'ai commencé à lire du comics, je m'en foutais un peu de ce que je disais. Il y avait du X-Men, du Avenger, du machin, du Spider-Man, c'était Marvel, et je suis parti chez Marvel. Et entre temps, je me suis renseigné, je lis un peu de DC maintenant, mais pour le coup, ah, et puis bon, grosso modo, les deux univers quand même, à un moment donné, tant que t'as des bonnes histoires, on s'est croisé avec Juni au tram ce matin. Il m'a pris en flagrant délit de lire du Vision, qui est une excellente série de super-héros. Genre Hawkeye de Matt Fraction. Pareil, à un moment donné, c'est une bonne série de super-héros. En plus, t'as pas forcément besoin d'avoir lu tout ce qui se passait chez Vision, qui est d'ailleurs Vision, c'est parfait. Comme... C'est vraiment, vraiment bien. C'est du Fincher et même du... C'est Tom King. Tom King au scénario. Et j'ai bouffé le nom de... Les moutons qui rêvent de... Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Ouais. Eh ben, l'auteur de Asimov, voilà. Ouais. C'est vraiment bien foutu. Et pour le coup, tu lis la préface, tu sais ce qui s'est passé, tu t'en fous. Tu lis ton truc derrière et c'est super bien. Et qu'est-ce qu'on a à foutre, que ce soit Marvel ou DC. Et je pense qu'on a vraiment plus cette culture-là en France de tu lis du bon truc et derrière, on s'en fout. Juste avant que tu commences, Vision, c'est un titre à noter, que vous ayez lu ou pas. Enfin, c'est vraiment un truc chouette. Donc, si vous commencez le comics, moi je sais que j'ai pas mal de gens, quand je leur dis super-héros, ils me disent j'aimerais bien m'y mettre, mais je sais pas par quoi commencer. Quand ils ont de la lecture classique, Vision ça marche bien, c'est en deux tomes. Et donc ça coûte pas cher par rapport à si on se lance dans un truc. On l'a fait en émission, donc vous pouvez aller scroller, vous verrez, c'est vachement bien. Scroller, il fait de la propre pulp pour lui. Voilà. Du coup, moi pour rebondir sur ce que tu dis et citer ta vidéo YouTube. On est corporate ou on n'est pas corporate. Du coup, moi je dirais pourquoi DC ou Marvel ? Parce que du coup, c'est le plus simple à choper en kiosque. Genre, vous avez 5€, vous avez une histoire. Et genre, tout ce que vous avez cité, il faut quand même au moins tout se passer par un TPP à 15€. Donc, genre, si t'accroches pas, t'as 15€ dans le cul quoi. Genre 5€, tu dis bon, c'est un paquet de clopes. Ouais, mais 15€, t'as quand même un assez loin dans l'histoire quand t'en lis juste un comics. Ça dépend si tu chopes un récit complet urbain. À 5€. Ouais, mais là, à ce moment-là, faut déjà que tu saches qu'il y a des récits complets. Faut que tu saches, quand tu vas voir ton mec dans un bureau de presse, tu lui dis excusez-moi, c'est une histoire complète. Le mec, il s'en bat les couilles. C'est à côté de Marie-Claire et du Figaro. Il va te dire tu veux un paquet de gitane, quoi. Ça fait longtemps que je n'ai pas allé dans un relais. Tu peux aller voir un libraire indépendant et lui demander un kiosque, enfin un truc pas trop cher. Si vraiment, si t'es étudiant ou que t'as un... Moi je sais qu'à l'époque où j'ai commencé, j'avais un tout petit budget et je me disais putain, mais j'ai envie de lire plein de séries. Et si je me mets à Warcover, je vais devoir en. Non, mais c'est assez récent aussi ce que tu dis, oui. les récits complets en kiosque, ça fait quoi? Ça fait 4 mois que c'est en place chez Urban. Ça fait plus longtemps, mais c'était des extras. Il y en a chez Panini. Hein. Ouais, en plus, enfin, c'est des hors-série, il faut les choper. Hein. Non, franchement, ça va. T'as un gros macaron et marqué récit complet, donc tu vois, si c'était neuneux que tu sais lire. Ouais, enfin, les récits complets, moi je me torche le cul avec les récits complets, faut quand même que tu connaisses un minimum les personnages. Enfin, excuse-moi de te couper. J'ai lu Thanos Rising comme ça. Thanos Rising, c'est vraiment cool. J'en ai lu plein de je sais même plus qui de sur du Captain America, c'était vraiment à vomir. C'est très difficile, je trouve que c'est plus difficile d'aller choisir une bonne histoire indépendante en kiosque que d'aller en librairie et de chercher un bon TPB avec une bonne histoire complète. Après, par exemple, c'est un truc tout bête, mais moi j'avais commencé Thor en lisant La mort de Thor, tu vois, c'était un récit complet. J'ai rien bité. J'ai rien compris de tout le récit, et réellement, je pense que c'est le seul qui doit traîner sous un amas de trucs parce que je m'en fous totalement. Alors que, par exemple, t'as des variantes quand même, t'as Urban qui avait fait sortir leur série là, à 9,90€, c'était les tomes, les premiers tomes de chaque série chez Renaissance. Ça coûtait pas si cher que ça, t'avais une jolie collection parce que t'avais les personnages qui s'apparaissaient sur les tranches. Mais, enfin, en vrai, moi, les récits complets, moi j'ai lu le Titan là qui est sorti chez en Rebirth. Réellement, si tu connais pas les personnages, t'es largué. Malgré le fait que ça soit un récit complet, le mec il va dire attends, mais je bite rien, je vais pas partir plus loin que ça. Mais là, avec Rebirth, en ce moment, enfin, quand t'as des numéros, genre, tu lis le numéro 1 de Batman Rebirth, ou le numéro 1 de. Bon, Suicide Squad, j'ai pas encore lu, donc je sais pas ce que ça vaut, mais. C'est de la merde. Est-ce qu'il paraît que Deathstroke c'est bien? On m'a dit que Deathstroke c'était pas mal. Ben, je trouve Rebirth, c'est pas un vrai point d'entrée. Il vaut mieux commencer par Renaissance que Rebirth. Ouais, ouais, les New 52, honnêtement, à l'époque c'était bien pour commencer. Là, je fais de la pub juste pour la librairie. Non, juste par rapport à commencer avec Renaissance, je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, c'est DC qui a pris le truc de faire les 5 premiers tomes de Justice League qui sort en octobre pour 49€. Et c'est un coffret. Et c'est pour l'anniversaire, en fait, ils font ça. Tu vois, c'est une bonne introduction. C'est vrai que Rebirth, on spomme, et les gens, ils lisent, ils comprennent rien, parce que le premier tome de Batman, t'as des personnages qui sont décédés, donc tu vois la nouvelle génération qui se pèse, mais tu dis, mais comment il est mort, en fait? Et c'est quoi, avant? Puis même quand t'as suivi, tu sais pas où t'en es. Parce que ils savent qu'ils sont revenus en temps, en gros, sur la timeline de la DC Renaissance, mais tu sais pas vraiment de combien de temps, tu sais pas qui est revenu, qui est pas revenu, c'est assez obscur suivant les titres. Je te rassure, même ceux qui les écrivent savent pas. Voilà. C'est ça. Ouais, donc, il vaut mieux commencer par Rebirth, par des titres. Il y a un truc qui fait halluciner, c'est que on est parti sur les points positifs. Pardon. Au niveau du Marvel et du DC. Il y a personne qui parle d'univers partagé. Moi, c'est vraiment un des points où je me dis, moi, j'ai envie de lire du DC parce que j'ai envie d'avoir des personnages qui ont des séries un peu indépendantes, mais qui vont interagir, genre. Je vais lire du Batman, du Superman et du Wonder Woman, et après les voir interagir dans la justice. Après, la question, cool, c'est qui connaît rien à la base va commencer à lire un bouquin pour ça. C'est-à-dire la majorité des gens commencent à lire Batman en disant honnêtement, Batman, ils te diront pas je veux le lire parce qu'il est à crossover avec Dr. Fate. Honnêtement, il y a plein de gens qui m'ont dit mais pourquoi ils mettent pas Batman dans Spider-Man? Personne ne connaît ce truc. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais à la fin de Avengers 1, il y a quelqu'un qui a dit oh putain mon dieu, c'est Darkseid. Tu donnes l'exemple, je veux commencer avec DC parce qu'il y a l'univers partagé, etc. Enfin, franchement, ça me fait chier de mettre 15€ dans une bande dessinée comme Aquaman de Jeff Jones, où je te rappelle qu'au début du tome 4, il est marqué si les événements se passent dans Justice League, ce qui se passe au milieu, ça se passe dans Justice League numéro 6. Franchement, ça me ferait chier parce que quand j'ai lu ça, réellement, ça m'a démotivé parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans Justice League numéro 6? Je vais pas commencer une autre série à côté. Tu vois, l'univers partagé, ça a du bon, mais ça a du mauvais aussi parce que, en plus, c'est le moment où il devient roi de l'Atlantide. Ouais. C'est un truc con, mais c'est le truc le plus important et tu comprends rien du tout. Tu connais pas les personnages, tu connais que dalle. C'est un peu comme Spirou et Fantasio et Gaston Lagaffe, tu vois. L'univers partagé qui est bien fait. Ouais. Les gars se croisent de temps en temps, mais t'as pas d'impact. C'est pour ça que je trouve que genre, le kiosque est vachement bien pour commencer, tu vois. Genre parce que tu lis Secret Wars et genre on te full tie-in dedans, tu vois. Genre comme ça, tu sais que Dr. Fate il est pas super cool, tu vois. S'ils que le font. T'achètes le relié TPB à 25 boules. Pardon. S'ils le font, parce que des fois, quand Agent Venom c'était à coup de. Alors la fin de ton arc que tu viens de lire depuis un bail. Elle existe, hein, mais elle est dans un tome de Spider-Man, dans un crossover, machin. Ils sauvent le cul, tu vois. Et non, mais en plus, le coup des crossovers, franchement, c'est un truc de bâtard. Parce que non seulement ils le font souvent, mais en plus, tu te retrouves à lire des histoires où tu arrives au beau milieu d'une histoire qui existe déjà. Donc tu dois pas juste lire ce numéro-là pour compléter l'histoire que tu lisais déjà. Tu dois lire la série pour comprendre ce qui se passe. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des points négatifs, mais il y a quand même des points positifs. Enfin, ah oui, moi, c'est quelque chose qui m'a donné envie de lire du comics. Parce que je le savais. Bon, je sais pas comment je le savais avant. Dans mon esprit, c'était noté que il y a des séries avec des. Vous allez retrouver des personnages qui se retrouvent dans d'autres séries qui vont se recroiser. Je pense que pour tous les points négatifs que vous avez dit, il y a Valiant pour ça, qui est parfait. Vous avez envie de lire du Face, faut avoir envie de lire du Face. Valiant, ils ont pas 600 ans d'histoire, donc effectivement, ça tient plus la route que Marvel ou DC. Mais on n'a pas la culture en France de lire des crossovers ou de lire des machins qui rappellent à des trucs. On a vraiment le franco-belge. Il y a un truc que. Si j'étais à ta place, Jordan, si j'étais libraire, c'est-à-dire, et qu'on venait me voir en me disant j'ai envie de me mettre à la BD américaine. je leur dirais pas va lire Spider-Man ou Batman nécessairement. Je prendrais en compte le fait que les gens, justement, comme tu dis, on a plus l'habitude de lire des trucs contenus. Et la majorité des BD en dehors des BD franco-belges lisent en français, c'est du bonheur. Manga. Et généralement, les gens achètent le manga par tome. Donc j'aurais plutôt tendance à leur dire, alors il y a telle et telle série contenue du genre BPRD ou Lumberjanes ou truc, et sa série à elle. Et tu commences par le tome 1 jusqu'au tome X ou avec la fin du on truc. On en parlera après qu'on parlera dans et le truc, c'est que j'aurais plutôt tendance justement à les envoyer vers ce genre de choses. Alors juste donne pas l'exemple de Lumberjanes parce qu'en fait la première édition elle n'existe plus, ils vont la rééditer dans un mois. Elle non, elle est rééditée déjà. Non, elle est toujours l'intégrale. Pas sortie, ils ont pris du retard. Ils ont pris du retard en fait, elle arrive à la fin du mois. Eh ben moi j'ai reçu PDF, mais c'est pas grave. PDF. Oui. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui l'ont acheté. Oui, il y a des gens qui l'achètent. Ouais, mais c'est vachement bien Lumberjanes. Non. Mais il était là dans l'émission, non? Oui. Ah, oui, je l'avais lu, j'ai failli me faire traiter de... Mais après, ah oui, c'est vrai. Pour répondre, moi je commence pas, enfin les gens quand je leur explique, enfin déjà il y a des enfants qui arrivent en me disant ils ont 8 ans, il y a leurs parents qui sont là, enfin... Alors ma fille de 8 ans, elle a vu Suicide Squad, elle a adoré le personnage d'Harley Quinn, oh, putain, mon Dieu. Et j'aimerais acheter la bande dessinée. La Mad Love? Ouais, on pourrait commencer par Mad Love, mais la petite quand elle va dire j'ai aimé Suicide Squad et le film, et j'ai aimé cette Harley Quinn là... Tu lui montres un bout de trottoir. J'y ai déjà pensé, tu vois, mais il y a des enfants réellement, je leur dis, mais je suis désolé, je peux pas vous le vendre. Du Deadpool, je suis désolé, mais quand t'as 7 ans et que t'as un petit, je veux commencer Deadpool, tu fais non, tu commences pas Deadpool. C'est complètement cinglé, c'est violent, c'est machin, tu commences pas. Ouais, mais j'ai vu le film, je m'en fous de ce que fait tes parents, moi je te le vends pas. Mais Tortue Ninja, commence le comics, le vrai comics américain, tu vas voir que c'est ultra violent. Non, pas l'ancien, le nouveau ça va mieux. Ouais, mais essaie de le choper en français. Tortue mais Ninja. Oui, ils l'ont pas publié, ils ont fait juste un crossover Batman et Tortue Ninja. Et en vrai, ouais, il est drôle. Et le prochain, c'est quand même Green Lantern et la planète des singes, et ça me fait peur. Et Power Rangers Justice League. Ça va être trop bien. Ça, on voit du rêve. Y a pas Star Trek au milieu, André? Il y avait pareil avec Scooby-Doo. Hein, oui, c'est vrai, votre ami Romain. Combien de tomes? Là, tu l'as pas pris, je crois que tu l'avais pris. Y a que Maxime qui assume ses. C'est Arrow tome 1 et 2 tiré de la série. Power Ranger Justice League. Ah, c'est Power Ranger. Et je n'ai pas pris Batman Scooby-Doo. Ah, je croyais que tu voulais prendre Batman Scooby-Doo. Okay. Je le prendrai pour mon fils plus tard. C'est Teen Tango Scooby-Doo déjà. Je voudrais être précis sur les choses. Non, il y a aussi Batman. Il y a aussi un Batman Scooby-Doo. Mais je crois qu'ils ont fait tout un crossover avec. On est parti dans un truc. Voilà, mon fils, il a 3 ans, c'est un point d'entrée très potable pour lui, je pense. Un dernier truc, mais vraiment DC ou Marvel, pour le coup, s'ils veulent vraiment lire du DC ou Marvel sans avoir à se taper tout ce qui est complexité de l'univers partagé, machin, et savoir recommencer, très souvent, t'as des séries fixes publiées en relié d'ailleurs, ou alors t'as des bouquins en genre un tome où c'est une histoire fixe du genre, je sais pas, comment il s'appelle encore, Daredevil Yellow ou Spider-Man Blue, les trucs comme ça. Bon, c'est un exemple, mais c'est pour dire que ça existe. Ou ce que je fais, oui, les What If, ou les je fais pour mes BD par exemple, quand je disais, on parlait de Damian Wayne, le 4e ou 5e Robin, je sais plus à combien il en est, me fatigue à force. Damian Wayne, j'ai pas commencé quand il est apparu, j'ai commencé avec Robin Son of Batman, qui a un truc genre 2 tomes, et j'ai lu mes 2 tomes, j'étais content, je suis passé à autre chose. Maintenant je lis Super Sons, et c'est toujours un univers partagé, tu peux toujours sortir si t'as envie, mais l'histoire est suffisamment contenue pour que tu puisses t'amuser dedans sans avoir besoin d'aller te balader à droite à gauche pour comprendre ce qui se passe. De toute façon, le run de Morrison, on est d'accord, c'est lui. Cela dit, Robin Son of Batman avait quand même un souci à la deuxième moitié dans le deuxième tome. Bon, déjà, t'as le changement de dessinateur, c'est un truc, C'est Batman et Robin de Thomas E. Gleason, ça, non? Non, c'est Robin seul avec son espèce de gros chauve-souris là. Le deuxième tome avait un souci, donc t'as le changement de dessinateur déjà. Ça, c'est un truc qu'il faut s'habituer pour les nouveaux lecteurs. Les super-héros font ça souvent. Et le deuxième truc, c'est quand tu t'es dans un arc, et au bout d'un moment, pour une raison X, il décide d'aller faire autre chose parce que le reste de l'univers a un crossover et du coup il doit partir faire autre chose. C'est un peu comme quand tu joues à un jeu vidéo genre Zelda et que plutôt que de continuer ta quête principale, tu vas t'occuper d'un truc totalement annexe. Ça fait un peu ce sentiment là. Sauf que là, les Américains en même temps. Sauf que là, t'as pas de contrôle. Comme on disait tout à l'heure, où t'es en train de lire Batman et Robin et puis d'un coup le personnage meurt alors que. Enfin, tu cours. Oui, toujours. Oui. Finir le jeu. Non mais le cas classique de Zelda c'est genre je l'ai fait hein, la princesse se fait kidnapper la princesse se fait kidnapper et le gars s'envole avec machin et là je me dis bon je vais aller prendre des photos pour le mec sur l'île là-bas et voilà c'est un peu le même principe sauf que là c'est pas toi qui as choisi, c'est le personnage un jour il est en pleine mission et d'un coup on lui dit faut que tu reviennes à Gotham parce qu'il se passe un truc. C'est vachement dur à trouver les libellules Volt, j'en ai trouvé il y a pas longtemps, je me suis fait chier pour la trouver, bon effectivement pendant ce temps il faut que tu mettes le radar. Oui, mais j'en avais pas trouvé avant. Je fais comment? J'ai pas la photo. On arrête avec Zelda. Bon, bah, DC Marvel. Oui, passons à Star Wars. Vous avez pas l'air de dire que. Moi, que, je dis ça et d'autres choses. C'est... Et un dernier truc aussi, pour revenir sur le kiosque, moi, le kiosque urbain, je trouve que c'est vraiment bien pour. Peut-être pas pour commencer, mais si vous voulez lire du. Parce que vous avez envie de lire du Batman, vous avez une bonne partie des bonnes séries de l'univers de Batman qui sont dedans. Vous avez envie de lire du Justice League, pareil. Du Green Lantern, bon, il n'y a plus de Green Lantern, mais. Moi, par rapport à ça, tu dis c'est bien de commencer le kiosque, mais quand les gens vont écouter le podcast, on sera déjà à quoi, au 4 ou 5 de Batman, tu vois, Rebirth. Et en vrai, le tome 1, il sera déjà plus disponible à la commande. Mais là, ils ont ressorti les deux. Oui, les deux en pack, machin. Oui, ouais, c'est vrai. C'est très, très contraignant le kiosque. Il y a un moment où t'as ton kiosque, franchement, il y a des mômes qui viennent, ils viennent faire Secret Wars. Si vous avez du Secret Wars, je leur dis oui, il nous en reste. Ils font ah, il vous manque le tome 16. Et j'ai fait bah ouais, vous pouvez le commander. Bah non. C'est plus publié. Donc bilan, regarde, c'est un super tome à 25€ qui est vraiment nul. T'es en train de me dire que dans ma vidéo où j'ai dit que oui, vous commencez par le kiosque parce que c'est pas mal. Pour les histoires complètes, non, pour les histoires complètes de Rebirth. Mais tu vas pas prendre un truc, un mec casual, il va pas aller tous les mois chez son libraire se rappeler qu'il doit choper son truc. C'est compliqué, c'est très compliqué. Pour peu que t'habites dans un bled paumé et que t'aies ton kiosque que quand tu vas prendre ton train à Montpellier, tu peux pas suivre, bah, tu peux pas suivre une série, c'est horrible. Je fais ça tous les jours, hein. Enfin, je fais ça tous les mois, tu vois, genre, enfin, excusez-moi, tu n'entends pas. Je chope mon kiosque au relais, tu vois, j'arrive, boum, je les prends mes 4 tomes et... Pourquoi il est là, lui? Mais... Tu viens de les commander chez Azimut, aujourd'hui, c'est quoi que Thanos, je sais pas quoi, enfin, tu n'auras pas, ça se trouve, mais... Là, le Marvel Universe, il est cool. Mais il est plus dispo. Bah oui, mais c'est le souci, tu vois, là, il est déjà plus dispo, donc ils le réimprimeront même pas. Mm. Ça se trouve, ils le réimprimeront même pas. C'est un petit peu le souci sur le kiosque, quoi. C'est les tomes, au bout d'un moment, ils disparaissent. Le hardcover, certes, c'est plus cher, mais le tome 1 de Batman de Scott Snyder, tu le trouveras dans 3 ans, tu le trouveras encore. Oui, bah, ils vont rééditer, ils rééditent. Ouais, donc en gros, j'aurais tendance à dire si vous voulez lire du super-héros, prenez des tomes. C'est probablement le plus simple. C'est pas nécessaire de les acheter tous les mois, c'est pas nécessaire de dépenser 14 000€ pour acheter 40 tomes d'un seul coup. Moi, je sais que Maxime est d'accord avec moi. Non mais parce que le souci avec les petits, avec les kiosques et tout, c'est que comme Mathieu disait, c'est rempli de pubs et c'est pas des bases de contenu. Pas chez pas la VF, hein. La VF c'est zéro pub. Hein. Pas la VF par contre aussi le truc, pour ça que je conseille le hardcover. En vrai tu fais une pause pendant un an parce que t'as pas forcément les thunes, tu vas les retrouver. Tu fais une pause pendant un an dans tes kiosques, t'es merdé, ah, t'es couillé. Et ça prend moins de place, t'as ton tome et les tomes sont fixés et c'est pas mélangé avec plein d'autres numéros de plein d'autres trucs. Si t'es pas un nouveau, tu sais servir de Google. Tes kiosques que tu les retrouves. Ouais mais c'est chiant à faire. C'est les gens ont autre chose à foutre de leur vie quoi. J'ai trouvé Ultimate Spider-Man 1 9 à 30€. C'est galère, hein. Respectez-moi. Les gars, respectez-moi. Bah justement, si on doit te respecter pour trouver une BD, les gens ont autre chose à faire quoi. Quand il va au magasin, il veut son truc. Aujourd'hui on te dit que c'est l'une des meilleures séries pour commencer, tu vois, genre Spider-Man. Et genre, tu veux choper le numéro 1, il n'existe pas à prix, à part si tu cherches un peu, à prix raisonnable, tu vois, genre il est à 70€ de cash chez Planète Interdite, et il est à 115€ neuf sur Amazon, tu vois. Je le fais à 50€. Non, mais je l'ai trouvé à 30€. Mais c'est comme sur beaucoup de choses. Moi, je sais que Transmetropolitan, quand j'ai voulu me les faire pour moi, c'était une période où c'était plus édité par Panini. Le tome 1, c'était une pote qui me l'avait offert. Je crois qu'elle avait payé quasiment 100 balles le tome 1. Il était sous film, et quand je l'ai ouvert pour lire, il manquait une page. Mon Dieu. Tu vois, et quand tu le ramènes au mec, il te fait bah, je suis désolé, vous l'avez acheté en état, quoi. Et tu t'aperçois, c'était sur pas mal de choses. Gum, c'est en train d'être réédité, par exemple, en manga. Gum, il y a énormément de librairies, dont certaines que je ne citerai pas le nom, où quand je leur ai dit, putain, vous venez de recevoir les 9 tomes de Gum, vous venez de les acheter devant moi, je vous les achète direct, tu les vends combien? Il me dit 150 balles. Et je lui dis, mais va te faire foutre. Je vais pas mettre 150 balles là-dedans. Oui, il y a des trucs qui vont disparaître. Ultimate Spider-Man, c'était cool. Après, il y a d'autres Spider-Man. Le supérieur Spider-Man, il est vraiment fun. T'as pas forcément besoin d'avoir lu ce qu'il y avait avant. Et pour une fois, ça change. Mais t'es pas proche du film. J'ai fait une grosse pause de Spider-Man. J'ai repris le supérieur Spider-Man. C'est plaisant pour quelqu'un qui commence. Mais tu vas pas comprendre, ouais, parce que ton Parker est mort et... Mais si, parce que t'as une page au début qui t'explique qu'il est mort, au pire tu prends le prélude qui est sorti là il y a peu, et ça va te changer du film, quoi, tu vas enfin découvrir quelque chose. Il t'en rappelle tout au long de l'arc, il t'explique ce qui s'est passé par petit flashback, par petite réflexion personnelle, et tu comprends tout. En plus, c'est un arc qui va super vite et qui est assez intéressant, et qui est fini. Et moi, c'est un truc que je regarde beaucoup. Quand je veux débuter un super-héros, quand je veux débuter un nouveau truc, je prends un arc qui est fini, je sais que j'aurai 4-5 bouquins à prendre, maximum. C'est la limite que je me fixe pour l'arc. Non, mais toi, et si c'est bien, après, je vais me lancer. T'as l'état d'esprit d'aller regarder si l'arc est fini. Il y a quelqu'un qui va commencer, il va pas... Ouais, mais après, il suffit de demander aussi. Hein, si t'as un vrai libraire en face de toi, il va bien t'aiguiller aussi. Le vrai conseil, c'est de pas aller tout seul dans le rayon de la FNAC comme un con à tourner en rond avec des mecs qui vont vendre des micro-ondes et des téléphones portables à côté. Quand j'étais jeune, que j'allais acheter mes comics, j'allais au quartier Saint-Michel à Paris. J'avais Pulp, j'avais Album, j'avais une trentaine de vendeurs de comics, VO, occasion, de tout. Et je posais des questions, quoi. Même à boutique comics à Paris, parce que je suis un ancien parisien, c'est parce que je me baladais rue Keller où il y avait toutes les boutiques de manga d'occasion, et au mieux t'as une boutique de comics et tu fais ouah, j'adore l'aventure, je suis rentré, le mec était ultra sympa, il m'a expliqué. Il y a des moments où réellement il passait des heures à m'expliquer des trucs que j'avais pas compris, parce que c'était des trucs qui dataient d'il y a 20 ans, et il prenait le temps, et c'était une mine d'or. Là aujourd'hui, dans ma librairie, je suis pas forcément le mec qui s'y connaît le mieux, c'est Franck, c'est le mec qui gère donc la partie comics. Ce mec là c'est un monstre, parce que des fois je lui pose des questions et il m'explique et il arrive à me sortir des trucs de malade. Mais c'est parce que les gens, ils ont envie de prendre leur temps. Si t'as un libraire qui est un connard, mais change de libraire. Si tu vas à la FNAC et que tu vas demander une bande dessinée. Mais du coup, si t'as pas de libraire, donc, tu vois, genre t'habites au fin fond de l'Ardèche et t'as internet et ton. Bah déjà, t'es au fin fond de l'Ardèche, t'écoutes pas ce podcast parce que t'as pas internet. Mais ouais, non, plus. Genre, pour être plus près à toi, t'habites à Sète. La jolie ville de Sète, t'as pas de libraire. Et tu pleures. Nous, on a des clients qui viennent de Sète déjà. Petit 1, et donc tu peux prendre le train ou les transports et tu peux essayer de trouver un truc dans le coin. Gros bouchon le cul. Oui, après sinon t'as internet. Enfin, au bout, tu vas sur les forums, tu vas sur les machins, il y a toujours des mecs super sympas. Et t'as plein de forums aussi où t'as des petits scans de début de. Voilà, moi je sais, hein, ça coûte cher. Les mangas, quand je veux commencer un manga, je commence par un scan. Hein. Je vais pas acheter un tome à. Yep. Je prends un scan. Si le scan me plaît, j'achète. Quand j'ai commencé à lire, j'étais mais aussi légal. Mais au bout d'un moment, t'es obligé. Oui, bah oui. Tu te fais prêter, tu passes par l'occasion pour le tome 1. Ouais. Si après ça te plaît, tu peux acheter. De toute façon, si vraiment ça te plaît, tu vas pas attendre que le mec ait lu et qu'il le rachète d'occasion. Quand j'ai commencé à lire, j'étais au Sénégal. Et Dakar, il y a des bonnes BD et tout ça. Mais pour avoir grandi là-bas, on avait une bonne librairie qui s'appelait 80. Et ils avaient soit de la BD franco-belge, soit du manga. Et ils avaient des petits kiosques avec. Et d'ailleurs, c'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis autant de temps à mettre comics. C'est que tu prends ton truc et t'as 3-4 BD dedans qui n'ont pas de lien entre les unes avec les autres. Des fois, elles sont même pas dans un ordre chronologique. C'est les vieux trucs. Mais c'était les trucs récents. Hein. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé en France en 2012, ça m'a tout autant fait chier parce que c'était pareil. C'était genre, tu t'achètes le kiosque Iron Man et t'as Nova et les Gardiens de la Galaxie dedans. Panini, au même temps. Et ça m'a saoulé rapidement. Et ça, c'est typiquement pour le super-héros. Mais le truc, c'est que, donc, Dakar, le seul truc que j'avais pour me mettre aux comics, contrairement à la BD franco-belge ou au manga, c'était Internet. Et c'est ce qui m'a sauvé finalement. Et mon premier tome d'Hellboy, je me le suis fait commander jusqu'à Dakar. Donc si je peux me faire commander un truc à Dakar, les gars peuvent se faire commander à 7. Hein. Effectivement, c'est sûr. On va passer à un autre sujet, parce qu'on a resté beaucoup sur... On a fait beaucoup le tour, mais je sais pas si on va. C'est pas grave. L'autre sujet, c'était les licences. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça va être des titres à éviter? J'avais exemple comme ça, Star Wars, par exemple. Qui... Hein, tu veux dire les trucs connus ou... Les trucs tirés connus, genre Buffy ou les Transformers ou... Un truc dont tu connais, dont tu as déjà la culture, souvent parce que tu as vu le film, ou parce que tu as vu la série, ou parce que tu as... Est-ce que tu peux dire, ouais, je vais me lancer par ça parce que je connais, je sais que j'aime, donc l'univers va me plaire, et... Donc oui, Arrow et Flash, c'est pas des bons... Mais par exemple, Buffy ou Star Wars, ça peut être des bonnes portes d'entrée pour le comics. C'est assez difficile à répondre puisque c'est aussi du cas par cas. Pour Star Wars, non, c'est vachement cool parce que c'est un univers extrêmement complexe. Et ouais, si quand même, t'as une timeline qui est assez complète. Oui, bon. C'était complexe. Oui, maintenant c'est plus simple. Enfin, maintenant c'est plus de légende, il y a plus de. Maintenant c'est plus simple, mais t'as quand même une timeline qui est bien définie, qui a commencé très loin. Dans la légende. Moi c'était mon époque, voilà. Mais du coup t'as beaucoup de compléments. Tu peux t'intéresser à un personnage qui t'a plu de la série de films de la licence en particulier. Tu peux aller piocher des trucs que tu veux. Ouais, tu peux t'intéresser aux Jedi, tu peux t'intéresser aux Sith, tu peux t'intéresser aux mercenaires, tu peux t'intéresser à plein de trucs. Et voilà, c'est assez intéressant. Après, il y a, Il y a des licences qui apportent rien du tout. Oui. Et il y en a d'autres, c'est juste un recopier du film ou de la série. C'est juste un calque du coup, et c'est pas intéressant. Parce que c'est compliqué. Pour les grosses licences, genre Star Wars, où c'est assez bien connu, tu veux t'intéresser à un truc en particulier qui est sorti de la licence. Enfin, en gros, maintenant tout est rentré dans le même moule. Mais tu peux t'intéresser à un personnage en particulier, tu peux aller gratter un truc qui t'a plu dans le film. Okay. Après, je pense que sur Walking Dead, c'est une histoire parallèle. Voilà, c'est une variante de. La série télé est une variante de l'histoire du bouquin en plus édulcoré, mais c'est pas. L'un peut suffire, quoi. Ok. Tu vas passer le micro à Mathieu, et pendant que Mathieu parle, je vais aller aux toilettes, parce que ça va durer longtemps. C'est vachement intéressant. Oui. tu as 35 minutes. Romain s'en va, enfin Mathieu s'en va. Adieu Romain. Adieu. Adieu Romain Mathieu. À la prochaine. Mathieu le bleu, comme tu es dit. Ah oui, ouais, moi c'est le rouge. D'accord. C'est bien fait. On a travaillé ça 3 mois à l'avance. On est des professionnels ou pas? Bon, JM, c'est parti. C'était quoi la question? J'ai pas écouté. La question, Star Wars, c'est bien. Est-ce que Star Wars, c'est bien? Star Wars, c'est bien, mais vachement. Ah oui. Non, mais c'est vachement bien. Mais regarde, enfin, Star Wars, tu te pommes parce que depuis qu'ils ont tout jarté, ils ont tout refait avec Légende. Oui, donc pour Star Wars, donc pour compléter, ça fait depuis 35 ans, 40 ans que ça existe en comics, en romans, en jeux vidéo, en séries d'animation. Et lorsque Disney a racheté. Film de cul aussi. Hein. Ah putain, ça, les Twilight, hein. Bon bref. Et depuis que Disney a racheté en 2015, ils ont escampé absolument tout ce qui a été fait avant. Ça leur a coûté 4 milliards, donc le principe c'est faire du pognon. Et donc à partir de 2015, tout ce qui sort est canon, les comics, les séries télé, tout ça tient la route. Et est-ce qu'une franchise est un bon point de départ? Je pense que... Déjà 35 minutes. Oui, ouais. T'es sûr que t'es allé aux toilettes, James? Ah, il y a quelqu'un. C'est vraiment intéressant. Sachez qu'il y a quelqu'un aux toilettes de la Grande Taverne. Est-ce que c'est intéressant de commencer par une licence? Oui, parce que quand même, tu arrives avec un point d'entrée que tu connais, donc déjà, tu n'es pas totalement perdu. Et derrière, alors en l'occurrence, avec Star Wars, qui est la licence que je connais le mieux, en comics à l'heure actuelle, tu t'emmerdes sur les deux tiers des titres. Voire plus, je voulais être gentil. Bon, sortie de Docteur Aphra qui est relativement cool, le reste tu te fais chier comme un rat, mais effectivement ça permet quand même de tester. Et là, prenons l'exemple par exemple d'une série qui va te plaire, Dark Vador, la série de Karen Gillan était bien, parce qu'il n'y avait que 25 numéros, c'était relativement bien fait. Peut-être que tu vas te rappeler que c'est Karen Gillan qui l'a scénarisé, que c'est Salvador Larroca qui l'a dessiné, et que tu vas peut-être pouvoir te dire, tiens, ce Karen Gillan, il a fait un truc sympa, qu'est-ce qu'il a fait par ailleurs? Donc oui, c'est une bonne porte d'entrée. C'est exactement comme on parlait un peu tout à l'heure avec les films et les séries télé. C'est des adaptations. Tu auras forcément de la merde au milieu, mais tu vas peut-être lire un truc à un moment donné sympa, avec un scénariste qui va te plaire, un perso qui va te plaire, tu vas creuser un peu et tu vas finir par trouver quelque chose d'intéressant. Il faut être vachement proactif, hélas, dans ce que tu veux lire à l'heure actuelle. Le top du top, c'est d'avoir un libraire chez qui j'ai lu ça, ça ressemble à ça, ça m'intéresse, qu'est-ce que tu me conseilles? Et pourquoi pas? Donc oui, bien sûr, pourquoi pas commencer par une licence mainstream et puis commencer à creuser derrière, mais il faut être un peu actif. Le Buffy était pas si mal que ça, parce que c'est toujours Whedon qui est au scénario, on a réussi à avoir une suite de la série qui est... cohérente avec l'ambiance, les personnages qu'on connaît déjà, c'était plutôt intéressant. Le Star Wars, c'est vrai que c'est un peu plus chiant parce que moi je préférais l'univers étendu avant qu'ils rachètent. Moi, Legacy, ça m'avait fait trembler avec Cadet Skywalker, bref. Mais Doctor Who, par exemple, aujourd'hui je pense que tu lis le comics Doctor Who, tu te fais chier pas comme un rat mort parce que le comics il est mauvais. Tu te dis, mais si c'est ça un comics, je vais pas y aller. Oui, après t'as tout en ce moment, ils adaptent tout. Ouais. T'as du Penny Dreadful en comics, ils ont sorti du. C'est ce que je disais, il y a même du Smallville en comics. Ouais, à un moment donné, ouais. T'as Power Rangers aussi chez Boom. Ouais, ça, c'est trop bien. Ça, c'était vraiment cool parce que c'est une bonne adaptation, mais après, je pense que... Les dessins sont super beaux et il y a plein de gros qui dessinent, enfin, qui ont fait plein de covers. Il y a Dustin Nguyen, il y a Peter Nguyen aussi. Et les autres... Il y a Elsa Chartier. Non, mais c'est vrai James Nguyen. Mais après, le souci avec les Power Rangers, c'est qu'en réalité, ça parle surtout aux personnes qui ont grandi avec la première série. Parce que quand il y a des gamins qui sont là, ils regardent les Power Rangers, c'est lesquels ceux-là? C'est ceux de la première série Power Rangers. Vous avez jamais vu le film. Ceux de maintenant, ils sont pirates et tout. Ils sont où, les samouraïs? Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu te fous de ma gueule? Mais attends, il y a eu Power Rangers, les turbos, et il y a eu rien d'autre après. Non, alors déjà, après, il y a eu les Zeos, s'il te plaît, soyons précis. Oh mon dieu. Sauf que maintenant, c'est des pirates et ils ont des pistolets. Attends, ils sont trop cool. Cette personne a vu tous les Power Rangers qui sont sur Netflix. Ah, mon copain. C'est le podcast où. Avec les pirates, je crois qu'il y en a un où c'est des pirates. Mais oui, il est trop bien ce truc. Il y en a un où il y a tous les vieux et les anciens qui se remettent ensemble. Ouais, il y a une grosse armée et tout, c'est n'importe quoi. Alors là, j'ai juste une question, est-ce que tu as vu le film Turbo où ça se finit quand même avec les voitures sur un bateau pirate maudit? Oui, je l'ai vu. Oh mon dieu, mais cet homme est un dieu. Ouais. Est-ce que tu as aimé? Quelle question? Oui. D'accord. Donc, pour conclure, je parlais de Star Wars quand même à un moment donné. Ouais, franchise, en fait, le truc c'est que la franchise généralement s'adresse à une cible, c'est-à-dire ceux qui regardent déjà, mettons, un film, les films pour Star Wars ou la série pour Penny Dreadful. C'est-à-dire les trois quarts de la planète. Et ouais, c'est ça. Et le truc c'est que c'est une porte d'entrée pour le grand public qui connaît pas la bande dessinée de base. Donc, j'ai envie de dire, c'est un bon moyen d'entrer, de s'habituer à lire de la BD, on va dire. Mais à partir de là, j'aurais plutôt tendance à dire ne suivez pas le personnage, suivez les auteurs. Et c'est un truc que j'ai compris relativement vite, c'est-à-dire que j'ai commencé en Marvel par exemple, j'ai commencé en lisant Spider-Man et Thor. Spider-Man, il n'y avait rien qui m'intéressait particulièrement. Par contre, Thor, j'ai découvert Chris Samney. Chris Samney m'a récemment convaincu que tu pouvais faire un truc de dingue avec Black Widow. Ce que avant ça, j'aurais totalement pas cru. Et donc justement, j'aurais tendance à dire, intéressez-vous, si vous avez envie de lire Penny Dreadful ou Doctor Who ou Transformers ou je sais pas quoi, faites-le, mais ça vous fait une porte d'entrée pour ensuite intéresser les auteurs, à d'autres trucs. Pas quelque chose que t'as... Enfin, on a l'habitude de faire parce qu'on suit du comics et qu'on parle de comics tout le temps. Moi, un de mes amis qui écoute le podcast d'ailleurs, j'ai fait un coucou, c'est Acoustique, n'a pas l'habitude, enfin il lit beaucoup de comics, il lit peut-être autant que nous. Mais il n'a pas cette idée d'aller lire quel auteur fait quoi et qui fait quoi. Ouais, t'as des auteurs qui reviennent. Enfin, tu vois, t'as envie de lire. Parce que je viens de penser à une licence, c'est un truc tout con, mais James Bond. Ouais. C'est Ellis. Warren ou Garth? C'est Garth. C'est Warren. C'est Warren, hein. C'est Warren Ellis qui est au scénar. Putain, tu vas lire du Warren Ellis à côté. Putain, c'est super bon ce mec-là. Dès qu'il touche un truc, ça devient de l'or. Enfin, et c'est pourtant, il a commencé avec James Bond. Et franchement, je m'amuse plus à lire le comics James Bond de Warren Ellis que de voir le méchant nazi qui est en train de jouer James Bond actuellement au cinéma. Parce que pour moi, c'est juste un méchant de James Bond des années 90 qui a pris le rôle à sa place. Mais. Oui, il a les blonds. Il va refaire un film d'ailleurs. Oui, j'ai vu qu'il allait refaire un film, mais pour moi c'est plus un méchant. Il y aurait Requin qui serait derrière lui, tu vois. Mais voilà, le comics, quand je me suis mis à Transmétropolitane, c'était Ellis aussi, justement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre ce mec-là? Et puis là, il a fait Injection, il a fait Trees, il a fait le James Bond. Je l'ai suivi cet auteur-là et je me dis, putain, mais j'ai eu raison. Rick Remender aussi. Rick Remender, j'ai commencé avec Fear Agent, j'ai trouvé ça excellent. Puis j'ai appris qu'il a fait du X-Men, j'ai lu le X-Men de Remender, il était vraiment cool. Et puis j'ai vu que Remender, eh bien, il était en train de faire 17 séries en même temps, limite, parce qu'il arrête pas d'en faire, et c'est vraiment trop bien, parce que... Oui, sur les scénaristes, je trouve que c'est une bonne idée de suivre des scénaristes. Bah, après... Scénariste et artiste, en fait. Et c'est un truc, justement, tu disais, les gens ont pas le réflexe de le dire, et c'est justement pour ça que je le dis, c'est parce que les gens ont pas le réflexe de le faire. Le réflexe de regarder. Après, du coup, maintenant, c'est plus simple de suivre un artiste ou quoi. Genre, moi, je sais que tous les artistes que j'aime bien, je les suis sur Instagram et genre tous les jours ils postent des trucs et en fait genre souvent ils se parlent entre eux, genre du coup genre ta Babstar elle parle avec le mec qui dessine Black Science, Scalera. Et genre du coup genre ils se parlent entre eux et il y a un troisième qui est arrivé et genre je dis putain c'est qui ce mec, il parle avec eux, ils sont potes et tout, et du coup j'ai regardé et j'ai commencé à aimer les réseaux sociaux, ça peut être super pour Twitter, ça. Twitter c'est parfait pour ça. Ouais. Et le truc c'est que l'air de rien quand on a d'autres médiums, mettons le cinéma ou les séries télé ou les livres de base on va dire. Par exemple Harry Potter, tout le monde sait qui est J.K. Rowling. Par contre quand tu regardes les personnages de comics, souvent les gens savent pas vraiment qui est derrière. Et ils ont pas vraiment, on dirait que quand il s'agit de bande dessinée, les gens ont plus tendance à voir le personnage, pas la personne qui l'a fait. Du coup ils voient pas le talent derrière et ils ont pas le réflexe de se dire peut-être qu'il est bon parce que c'est cette personne là qui a fait ce bouquin, et que ce personnage utilisé par quelqu'un d'autre pourrait ne pas être aussi bon. Ça marche pas que sur le comics. Enfin, tu vas voir un mec un jour, tu vas dire qui est Isidrou, qui est Covin, ouais. Qui est Bill Watterson? Non mais c'est pour ça que je dis, c'est pas un réflexe que les gens ont sur la BD qu'ils auraient sur je sais pas, le film par exemple, ouais. Ou si tu dis Scorsese, les gens vont dire ah, machin. Et le truc c'est que justement c'est pour ça que j'en parle, c'est il faut prendre le réflexe de chercher les auteurs derrière le bouquin, pas juste Thor, mais vraiment le mec qui a fait le bouquin de Thor. Tu dis ça parce que t'es auteur de BD et que t'as envie que les gens... Non, je dis ça justement parce que c'est un peu dommage de voir que t'as des persos qui sont adulés par des gens et souvent ils savent pas, sauf les fans hardcore, savent pas que derrière Spider-Man t'as Steve Ditko et que Steve Ditko il a fait d'autres trucs cool, tu vois. Et c'est ça justement qui serait plus intéressant probablement pour les gens qui veulent se lancer dans la BD, c'est que très souvent ils te diront j'arrive pas à trouver des BD qui me plaisent, alors que si tu découvres un truc avec un auteur que t'aimes bien, plutôt que t'intéresser à l'autre bouquin avec Thor dedans, intéresse-toi à un autre bouquin fait par, je sais pas, Jason Latour. Si t'aimes son scénar, son type de scénario, tu vas tomber sur The Goddamn, tu vois. Et le non, truc, c'est Aaron. Oui, Aaron, pardon. Latour, c'est le dessinateur. Bref, mais tout ça pour dire que plutôt que t'intéresser au personnage, plutôt que t'intéresser au personnage, ouais, prends l'auteur derrière parce que t'as plus de chances de tomber sur d'autres bouquins que tu vas aimer. Et d'autres auteurs, comme tu disais, que tu vas aimer parce que les gars sont en contact les uns avec les autres. J'avais lu Tortue Ninja, c'est une licence. J'avais lu le nouveau bouquin de Tortue Ninja, c'est génial, j'adore. Il y avait un numéro qui était dessiné par un gars dont j'ai même oublié le nom. Et j'adorais son dessin. Et de là, j'ai commencé à lire d'autres trucs de lui. Je l'ai trouvé sur Twitter, il est vachement sympathique et tout. Et l'art de rien, ça développe justement ta culture générale BD, on va dire. Parce que tu t'intéresses à l'auteur et pas au perso. Et tu vois vraiment la qualité du médium, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas en France. Mais après, la petite subtilité, entre guillemets, c'est que... Enfin, je trouve, c'est que mine de rien, on peut nous aider. Là, en l'occurrence, Netflix marche bien avec les séries télé. Tu as Defenders et tu as Jessica Jones. Brian Bendis a sorti une BD Jessica Jones aux États-Unis. Donc, il y a quand même un retour derrière qui fait que tu as pu voir une licence ou un film ou une série télé. Et il y a globalement pas mal de chances lorsque tu arrives à ta librairie, peut-être au moins aux États-Unis, que tu trouves quelque chose qui corresponde à ça, parce que bon, c'est quand même la mondialisation, c'est global, faut faire du pognon. Et à un moment donné, voilà, chaque fois que va sortir un film Ant-Man ou Doctor Strange ou je sais pas quoi, tu vas avoir 50 rééditions, ouais, de machin. Anthologie, ce que Panini fait, ouais. Voilà, ça je va suis ressortir. Doctor Strange, je suis Deadpool, je suis oui, voilà, forcément. C'est pas si mauvais que ça, parce que c'est non, mais d'ailleurs, encore une fois, c'est des bons points d'entrée. Tu vas aller voir Doctor Strange au cinéma, t'as super kiffé, c'est psychédélique, c'est un peu différent. Tu vois un mec ancien chirurgien comme ça qui découvre les arts mystiques. Par contre, effectivement, je pense que c'est le pivot de l'émission. T'arrives à ta librairie, tu vas voir le mec, tu te dis j'ai vu le film et j'ai kiffé, qu'est-ce que je peux lire. Et à un moment donné, c'est le gros problème des comics, c'est que ça existe depuis 300 ans et que les points d'entrée sont très très compliqués. Et qu'à un moment donné, si on ne te suit pas un coup de main, alors moi je parle d'expérience, j'ai commencé à lire des comics dans les années 90, les points d'entrée il n'y avait que dalle, parce que tu vendais ça dans les PMU, c'était entre 2 Marlboro et 3 gratte-gratte pour savoir si tu avais gagné 40 francs à l'époque, rappelez-vous les francs, un peu après les sesterces. Et du coup, tu achetais des machins, tu bouquinais, tu disais putain, ça a l'air beau, tu ramenais chez toi, tu disais oh, c'est de la merde. Et là maintenant, c'est génial. Tu as des forums, tu as des blogs, tu as des connards comme nous qui en parlons après 3 bières, tu as des libraires qui se sont passionnés là-dessus. C'est vachement bien, tu as beaucoup de points d'entrée sur des licences. Licence Star Wars, ouais, l'épisode 7, on peut le critiquer, il est Disney, ce que tu veux. Il y a peut-être des mecs qui ont kiffé, qui ont dit putain, Podarmon, il est vachement bien. Tu vas dans la librairie, oh putain, il y a un comics, je peux lire le comics. Là, on va te... pas le comics du coup, parce qu'apparemment c'est pas génial, mais le comics c'est de la merde. Mais tu peux au moins te poser la question, putain, ça a l'air bien un comics là, si le libraire en face il est correct, il va te dire non, tu le dis pas, c'est vraiment de la daube. Mais au moins tu t'es posé la question et c'est un point d'entrée pour autre chose de vachement et bien. Et ça te donne un esprit critique, parce que tu dis bon, le 7 j'ai bien aimé, mais au moins ça c'est de la merde et je suis au courant, et ça déjà donne un titre que tu veux pas lire par la suite. Ah, moi je te dis tout depuis le début, c'est vraiment pas bon, il y a rien qui est bon, et je continuerai à lire. Je continue tous les mois à acheter mon machin en disant mais qu'est-ce que c'est pas bien, faut être con pour acheter ce saloperie. Non, bon voilà, c'est intéressant d'avoir des licences qui t'ouvrent un truc. Après, il te faut juste l'enclencheur. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est des trucs où tu vas sur Star Wars, tu connais Star Wars si t'as vu les films, ou même Star Wars Rebels, genre Kanan, tu sais qui est Kanan. Donc ça. Ah, ils sont bons, ils sont bons, là-bas. Le barbare. Non, c'est un autre avec un K. Ah, d'accord. Parce que cette série est vachement. Je sais que Faye la recommande. Oui, le comic c'est vachement mieux que la série d'animation. Donc c'est un truc où t'as déjà les codes, tu connais les codes, donc tu vas retrouver des trucs avec qui t'es déjà à l'aise, et c'est peut-être une bonne idée. Après, c'est un exemple Star Wars là-dessus, tu vas avoir un film. Oui, tu mais je sais pas si c'est la même chose. Même Marvel aujourd'hui. Enfin, je suis désolé, mais qui n'a pas vu un film Marvel aujourd'hui? T'as pas un mec qui est pas allé voir Avengers ou au moins Iron Man? On a forcément un lien, un machin, on a tous vu ça, quoi. C'est tu peux pas, enfin, après, ouais, il y a des trucs, Preacher, ils ont fait la série, bon, aussi mauvaise qu'elle soit, la série est quand même très loin du matériau de base. Tu peux pas faire Preacher en série télé, je la trouve très acceptable. Elle est acceptable, mais t'es quand même dans un truc qui se passe, enfin, la saison 1, ça se passe dans la même ville, Preacher, c'est un road trip. Bon, déjà, oui, de base, ils ont quand même foiré le truc. Sur Louisiane, il y a eu une scène de sodomie dans le dernier épisode qui était super drôle. Oui, tu es la même personne qui en début de saison, tu disais oui, regardez Ash versus Evil Dead, c'est génial, c'est une tuerie. Y a un mec c'était trop bien. Non, mais y a pas un mec qui se fait violer ou qui rentre. Non, il rentre dans le cul d'un cadavre. Ouais, voilà. Ouais. Par contre, Ash versus Evil Dead, vous aimez cette série-là, il y a un des Marvel Zombies où on a Ash qui arrive et avec sa tronçonneuse et qui découpe du super-héros pendant un temps. Comics, oui, Ash, c'est le comics. Oui. C'est Ash versus Marvel Zombies. Et en fait, même c'est. Dynamite fait des vrais comics Ash versus Evil Dead. C'était juste trop drôle. Mais d'ailleurs, il y a du Ash qui va ressortir cette année chez. C'est pas Warren. C'est les mecs qui font les Judge Red. Ouais, ouais, chez Weta. Chez Weta, on va avoir du Evil Dead qui va sortir. Et ça va être cool. Vous pouvez pas. Enfin, moi, le plus que j'ai lu. Oui, ceux qui font Judge Red versus. Ou Predator versus Alien. Ou ah non, quoi. Ils ont fait Judge Red versus Alien versus Predator. Là, c'est du nanar. Versus Archie. Versus Archie. Mais j'aimerais bien qu'ils refassent. Ils avaient fait à une époque. Je sais plus, je sais qui. Mais Judge Red, ça a l'air compliqué. Batman, Judge Red et Batman contre Alien et contre Predator. Ça, c'était drôle. Ça, c'était du nanar. Bon, on en parle depuis tout à l'heure. On va revenir sur ça. Donc, c'est pas vraiment une question, mais l'indé, est-ce que c'est la mine d'or du comics et peut-être, ce que tu me. Oui, Maxime, question suivante. Oui, Maxime me suggérait, est-ce que Valide. Image, c'est un peu la mine d'or en ce moment où une bonne partie des titres Image sont géniaux et ces gens font vraiment du travail de folie. Invincible, Saga, Birthright, enfin je peux continuer comme ça pendant des heures quoi. Allez, on te regarde. Ok, super. Non mais, regarde tout ce qui fonctionne aujourd'hui en indé en France et qui a été pris par Urban, Glénat aussi. Par Glénat là, qui a commencé à faire quand même une sélection de comics où tu te dis putain, Glénat ils font du comics et c'est bien. Franchement, quand on m'a dit que Glénat va se mettre à faire du comics, ils ont fait Lazarus, ils ont fait The Weeknd and the Divine, ils ont acheté des putains de licences et tu te dis, mais ça. Mais du coup, c'est. Enfin. Est-ce que c'est parce que c'est plus Thomas Rivière qui gère. Non, c'est pas grave. Non, bah, c'est des trucs qui font pas vraiment comics, tu. Enfin. Genre, tu vois, ça fait. Plus franco-belge. Ouais, ça fait plus franco-belge. Mais sans être allé sur du franco-belge, enfin, tu. Quand tu vas partir sur de l'indé. Non, mais par exemple, genre Infinite Loop. Ouais. Ça a pas vraiment les codes du comics, tu vois. Si, un peu. Non, mais je veux dire, tu vois, le dessinateur est récurrent, le scénariste est récurrent, c'est une oui, série. Mais c'est ouais. Pareil. C'est une série. Tu vois, c'est, genre, ce qui marche maintenant, c'est des gens des séries un peu finies, tu vois. Et 100 Bullet, c'est le même scénariste, c'est le même dessinateur jusqu'au oui, bout. Oui, mais ça te fait trembler. C'est du créateur owned. Ouais, mais. De Vertigo, oui, mais ça reste. Mais ouais, du coup, tu vois, je m'exprime mal, je pense. Tu vois, genre. C'est pas des ongoing, genre c'est pas Spider-Man 927, tu vois. Oui. C'est. Mais parce que c'est bien. Quand on en avait discuté avec Maxime, il me disait que des gens qui ont envie de se mettre en comics, selon lui, tu comptes. Oui, mais enfin, parce que du coup, tu vois, genre pour moi, dans ma tête, genre Image, tout ça, c'est dans le comics, mais c'est un peu à part, tu vois. Genre pour moi, quand tu dis comics, c'est des mecs avec des collants et tout, tu vois. C'est forcément c'est du stéréotype. Super-héros, quoi, Mais c'est un stéréotype. Aujourd'hui, quand t'as des mecs qui disent comics, non, je veux pas du super-héros, je leur montre Saga, je leur montre Descender. Putain, Descender, c'est splendide, le dessin, oui, le oui, scénario. Oui, oui. Black Science, quand t'as des mecs qui arrivent, j'ai adoré Shangri-La de Bablé, vous avez un truc complètement cinglé en SF. Ouais, Black Science, lis-le. Fear Agent, lis-le. Bon, Recreamander, lis-le, en fait, ça va plus vite. Mais vous avez un truc un peu violent, mais pas du super-héros. Deadly Class, tu vas t'éclater. C'est Breakfast Club et Battle Royale réunis. Non, mais du coup, fin, tu vois, fin, je me fais l'avocat du diable, mais tu vois, genre, le mec qui écoute ce podcast parce qu'il a vu Avengers 2, Age of Ultron, et qui veut regarder un truc, qui veut lire du Avengers, on lui a dit, tu vois, genre, lis des portes d'entrée et intéresse-toi après aux auteurs et tout. Mais genre, le mec qui rentre dans la librairie qui veut du Age of Ultron, tu vas pas lui dire lis The Weeknd and the Divine. Et un mec qui va te rentrer dans ta librairie qui va dire excusez-moi, j'ai lu 13, j'ai lu Le Tueur, vous me conseillez quoi? Mais Scalped, je te conseille 100 Bullet, je te conseille qu'est-ce qu'on a encore en policier qui peut être sympa. Ouais, le James Bond, ça passe. J'ai vu la série American Gods, j'ai vu que Neil Gaiman faisait le mec qui a créé ça, faisait du comics, vous me conseillez quoi? Mais pas forcément du Sandman. T'as L'étrange vie de Nobody Owens par exemple, et peut-être plus soft que du Sandman, parce que le Sandman, le dessin de Dave McQueen, c'est un dessin complètement psychédélique. Les mecs, quand ils regardent, ils me font. J'en ai jamais vu. Mais c'est excellent, mais le dessin, il est complètement cinglé. Quand t'as des gens qui arrivent, la semaine dernière, j'ai vu la série Lucifer. Est-ce que je pourrais. Vous avez le comics? Mais au fait, non, parce que Lucifer, c'est un personnage de Sandman, et tu veux lire Sandman, et c'était une gamine qui avait 16 ans, et quand je lui ai montré Sandman, elle m'a regardé, elle m'a fait « Ok, je vais regarder la série ». Mais ce qui est normal, parce que c'est pas accessible. Tu parlais tout à l'heure des gens qui rentrent dans le magasin en disant « Je veux lire du Age of Ultron », et lui, il parlait des gens qui rentrent dans le magasin en disant « Justement, j'aime pas les super-héros, je veux lire un truc qui ressemble à, mettons, Mad Men ». Je dis ça au pif. Le truc, c'est que justement, il y a effectivement ce stéréotype de le comics, c'est du super-héros. Et à mon avis, c'est un stéréotype à briser. Déjà parce qu'il y a des gens qui veulent que ça, et de l'autre côté parce qu'il y a des gens justement qui n'en veulent pas du tout. Et ce serait dommage de passer à côté de Peanuts ou de comment il s'appelle encore, le gamin blond avec son chat là. Calvin et Hobbes, merci. Que j'adore ce bouquin. Mais ouais, ce serait dommage de passer à côté de Calvin et Hobbes ou de Deadly Class. Ou enfin, il y a tellement, il y a une diversité en comics américains ou en BD américaine en fait, même j'ai envie de dire, parce que quand tu dis comics, dans ton cerveau bizarrement tu segmentes déjà. Alors que finalement, il y a une énorme diversité qui est de la même, le même type de diversité que tu as en Europe finalement, que ce soit dans les dessins. Parce que ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens me disent j'aime pas le comics, et me disent j'aime pas le dessin. Et je leur montre des BD, je leur montre des comics de Deadly Class, n'a strictement rien à voir avec Invincible ou avec Superman Red Son. Et les gens me disent je savais même pas que ça existait. Le gars de tout à l'heure avec Hawkeye, il me disait je savais même pas que c'était possible qu'un comics puisse avoir cette tête là. Et à mon avis, justement, c'est un stéréotype à briser. Lié au manga où le trait manga a quand même beaucoup de. Enfin, c'est encore une fois un stéréotype, mais il y a. Tu vas lire les séries du Shonen Jump, il y a beaucoup de. Il y a plein de diversité en manga, c'est pas parce que c'est du noir et blanc que c'est la même chose. Ok, il y a des grands yeux ou quoi. Mais le truc, c'est que. Après, je sais pas si c'est lié au manga nécessairement, mais dans la tête des gens, quand tu leur dis comics, ils pensent super-héros, ils pensent Jim Lee ou autre type de dessin comme ça, et ils te disent j'aime pas parce que ben, ça leur plaît pas, et c'est normal, chacun ses goûts quoi. Oui, non, mais enfin, chacun ses délires, quoi. Et d'ailleurs, souvent, bizarrement, c'est souvent des filles qui aiment beaucoup les mangas qui m'ont dit j'aime pas les comics. Parce que stéréotype, pareil, elles s'attendaient à Batman. C'est gauche à droite, et je trouve ça dégueulasse. S'il y a de la couleur, c'est n'importe quoi. Non, mais voilà, mais c'est des stéréotypes qu'à mon avis, on devrait briser. Donc ouais, l'avantage de l'indépendance, c'est ça aussi. C'est pour permettre aux gens de découvrir qu'il y a plein de bouquins qui n'ont strictement rien à voir avec l'idée qu'ils s'en faisaient. Et c'est une diversité à découvrir. Merci. Finalement, il y a plein de gens, comme je disais tout à l'heure, tu pourrais le passer ta vie entière à lire que de la BD américaine et jamais toucher un super-héros de ta vie. Oui, par contre, tu peux faire les deux, c'est-à-dire qu'on en parlait, ouais, on en parlait tout à l'heure, moi il y a quelque chose qui me fait, alors je suis un vieux lecteur, mais j'ai pas lu énormément de choses. Moi, les séries vraiment comics qui m'ont fait kiffer il y a pas trop longtemps, indépendant, Image, oui, c'est super bandant, mais c'est un style quand même qui se rapproche de la BD européenne dans le sens où tu vas trouver de la dark fantasy, tu vas trouver du thriller, tu vas trouver tout ce que tu veux. Par contre, encore une fois, Juni m'a chopé avec du Vision au tram, c'est vachement bien. Old Man Logan de Les Mayer, c'est du super-héros, c'est Logan, c'est Wolverine, c'est vachement bien. C'est pas vraiment du super-héros, Edmund Logan, parce que finalement, c'est du super-héros autrement. Oui, là, mais là, t'es plus proche de l'indé que du super. C'est un autre truc que j'allais dire aussi. Ça part avec du super-héros, Hawkeye de Matt Fraction, oui. Tu as même du, j'avais lu rapidement du Spider-Woman chez Hopeless qui était pas mal. Tu as Miss Marvel, Kamala, qui est pas mal aussi. C'est parti du super-héros. Et pour le coup, t'as des séries comics dans l'univers de Marvel ou même de DC qui sont super-héros, mais qui sont vraiment, vraiment bien écrites avec des vrais bons scénaristes. Il y avait des concepts qui sont pas juste je m'habille en collant et je tape sur un gars. Voilà, et pour le coup, le vrai indépendant, moi je le trouve là, Hawkeye, c'est Clint Barton, c'est l'archer que tu vois dans Avengers, blockbuster à 200 millions d'euros. Le comic c'est vachement plus intimiste. Old Man Logan aussi avec les Mayer, donc c'est Logan, c'est Wolverine, c'est Hugh Jackman, tu l'as vu 500 fois au cinéma. Par contre là, le type, ouais, Moon Knight aussi, ouais, Moon Knight. Pour l'instant, il n'est pas au cinéma. Mais Moon Knight, c'est un excellent exemple d'ailleurs. Bah, on en revient à ce que je disais sur le fait de suivre. Non, mais de non, Moon Knight, il y a Jordi Belair dedans, tu n'es pas objectif. Non, mais justement, le truc, c'est que c'est un excellent exemple parce qu'on en revient à ce que je disais sur le fait qu'il faut suivre les auteurs et pas les personnages. C'est que tu commences avec Super Hero, tu vas chez Marvel, tu prends Moon Knight. Tu tombes sur Declan Shalvey qui fait le dessin et sur Jordi Belair qui fait la couleur. Et à partir de là, tu peux continuer sur d'autres bouquins Moon Knight, hein, c'est pas un souci. Mais si tu vas t'intéresser à ce que fait Declan et Jordi sur d'autres choses, tu vas découvrir des trucs de dingue. Juste, alors, petit aparté rapidement, tu couperas. Tu as vu le dernier Old Man Logan qui est sorti en VF, c'est Philippe Andrade qui dessine, et j'ai pensé à toi parce que c'est Jordi Belair qui fait la couleur, et c'est un art qui commence avec des vampires, avec Dracula, et Philippe Andrade, il a un style un peu... assez simple, et les couleurs de Bel Air, elle en a 4, elle fait une ambiance de psychopathe. C'est juste exceptionnel. Elle a 4 couleurs. Elle a un peu de vert, un peu de rouge, un peu de noir, un peu de machin. Et pour le coup, mais t'es pas du tout dans Marvel Universe. T'es pas du tout dans Infinity. Finalement, ça marche un peu comme dans les films. Tu regardes un gros blockbuster, tu tombes sur un acteur que t'aimes bien, et puis. On en a pour 2 heures, désolé, mec. Désolé, vas-y. Non, juste avant que je passe le micro, ça m'a fait penser en fait à une licence qu'on a oublié de prononcer. C'est Wolf Among Us qui a donné Fable. Enfin, qui est inspiré de Fable. Si vous avez fait le jeu de Tétal, ou lancez-vous dans le jeu de Tétal parce qu'il est splendide. Et le nombre de gens aujourd'hui, Fable, s'est inspiré de ce jeu-là et qui font « je le savais pas » et qui se mettent à lire le comics, ils font « putain, mais c'est super ». Voilà, c'est un bon conseil aussi, parce qu'il n'y a pas que la série, il n'y a pas que le dessin animé, il n'y a pas que les jouets à la con. Et, oui, c'est Vertigo. C'est Vertigo. Ouais. Vertigo. Mais si, c'est Vertigo. Voilà, et c'est une série qui est terminée. C'est une série qui est terminée, vous avez 23 tomes. Certes, ça fait beaucoup, mais au moins vous avez une fin à votre histoire, et si vous n'aimez pas les super-héros, c'est juste top. Dans le même délire, il y a Y The Last Man aussi, enfin, qui est fini, Vaughan. Et qui est de Kev Hogan. Enfin, Kev Hogan, vous pouvez y aller les yeux fermés, je pense. Tout ce que ce monsieur touche. À part en série télé, parce que. Bah, le truc avec le dôme, là, Under the Dome, c'est pas. Il y a Jordan qui avait fait une blague quand on est arrivé où il disait: moi, pour commencer les BD, je l'ouvre et je regarde la première page et je lis jusqu'à la dernière. Et finalement, on peut conceptualiser le truc comme on veut. Finalement, le meilleur argument possible, le meilleur conseil possible, c'est que tu rentres dans un magasin, tu regardes ce qui te plaît et tu prends, quoi. C'est comme quand tu vas sur un site internet et que t'as plein de séries télé différentes, t'en choisis une par rapport au poster. Si t'as jamais ouvert de BD de ta vie. Oui. Encore une blague, mais fais vos blagues dites-les dans le micro parce que c'est... Non, tu vas les censurer après. Et je suis sorti de la boutique avec le DVD Anna Montana. Est-ce que je peux avoir des faux rires maintenant? Oh non, lol. Oh quand même, lol. Non mais merde, tu m'as coupé du coup. Non mais c'est pareil que pour tous si les autres. Si t'as jamais ouvert de comics de ta vie, tu vas pas savoir ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. Bah tu regardes. C'est comme quand tu regardes des films. Tu vois une bande annonce, tu te dis ça a l'air sympa. Tu sais même pas quel réalisateur. Tu t'as jamais vu les acteurs de ta vie, tu t'en fous. Et t'as jamais ouvert un petit œuf de ta vie, tu sais pas si ça va te plaire ou non. T'as jamais ouvert et pourtant un petit œuf, tu lis du petit œuf, tu peux lire du Cavineos, tu peux lire les Peanuts parce qu'en fait c'est du comic strip. Après il a compliqué le truc, il a fait de longues histoires, mais ça reste du comic strip à la base. Tu vas prendre n'importe quelle bande dessinée, tu vas prendre du manga, tu sais pas si ça va te plaire. Franchement le nombre de mecs qui font je veux un truc mature, j'ai adoré One Punch Man, tu dis bon bah j'ai vu Fire Punch, je fais non c'est pas la même ambiance. Mais tu veux lire du Dark Fantasy en manga, tu vas lire Berserk, tu vas lire Amber Blatt, putain les trucs qui sont super riches. Enfin, sur n'importe quel domaine, tu sauras jamais ce qui va te plaire parce qu'il faut commencer. Moi, la première fois que je suis rentré dans une boutique de manga, ça m'a coûté 150 balles quand je suis sorti parce que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sorties et j'ai dû essayer de commencer toutes les séries qui étaient sorties en me disant je sais pas ce qui va me plaire. Et finalement, Détective Conan, bah, c'est vraiment de la daube. Mais, mais voilà, c'est ce truc-là. C'est, tu peux pas savoir, tu sais pas si Spirou ça va te plaire, tu sais pas si les tuniques bleues ça va te plaire. Les tuniques bleues, putain, quand j'étais gamin, ça me plaisait énormément. Je relis un tunique bleu aujourd'hui, je me fais chier comme un rameur. On en revient vraiment au pivot de l'émission. Il faut que tu te lances, faut pas hésiter. Et c'est que du bonheur en fait. Et que tu vas arriver, tu vas pas. Voilà, faut lâcher du pognon aux petites, oui, un peu, petites, ne serait-ce qu'un peu. Aux petites librairies. Non, mais effectivement, on est dans peut-être une génération qui est bon, smartphone, Netflix, compagnie, voire ouais. Même téléchargement. Tu vas pas prendre de risques. Là, tu rentres dans la librairie, tu as envie de. Oh, il fait un dessin avec de bon bref. tu as envie. Moi, je me rappelle d'une époque aussi où encore une fois, c'était les bureaux tabac qui ne savaient pas là, qui n'avaient pas la moindre idée de ce qui sortait. C'était la grosse comment dire la grosse. Oh pardon. Tu couperas ça au montage quand j'hésite. La grosse période, voilà, Image, Wildstorm et compagnie, Jim Lee, Todd McFarlane, des trucs comme ça qui sortaient tout et n'importe quoi. J'ai acheté des numéros 1, mais par paquet de 12. J'ai un Lady Pendragon à la maison, ils ont fait 3 numéros, ça n'a jamais été édité en France. Il y a des machins comme ça, à un moment donné, il y avait une Soul Saga Comics, quelqu'un connaît Soul Saga? Soul Saga, il y a eu deux mensuels en France, donc avec 2 numéros US à l'intérieur. C'était tellement de la merde que ça s'est arrêté au bout de 4 numéros. Aux États-Unis, le seul pays à la con qui a vendu, c'est nous. Et 4 ans plus tard, tu as les deux branleurs qui ont fait ce comics, Stephen Platt et les pauvres, pardon, qui ont fini l'histoire en ce numéro pour la France, parce que tu avais 6 mecs qui étaient là, nous on veut la fin, connard. Et, du coup, mais tu te lances dans des machins comme ça. Moi, ce que j'adore faire en ce moment, c'est que je télécharge, je télécharge le Previews, qui est le gros catalogue comics. Donc le Previews, c'est le magazine Ikea, si tu veux, mais tous les comics qui vont sortir, mais dans 3 mois. Et pour le coup, tu regardes, il y a des artistes. C'est que des covers et des pitchs en fait. Ouais, t'as le pitch. Le pitch est extraordinaire. Jamais vu de ta vie. Aquaman contre Black Manta. L'univers voilà. Va changer à jamais. Bon, ouais, c'est ça. Le crossover qui va tout changer. Bon, si jamais tu as lu un peu de comics dans ta vie, jamais tu les crois, c'est con. Et si Aquaman parlait aux algues. Ça, c'est du suspense, les mecs. Bon, mais pour le coup, effectivement, tu as de la cover, tu as les artistes, tu as des machins, et des fois, tu vas te jeter sur un comics en disant mais qu'est-ce que sais, allez, c'est bon, je vais lâcher 10 boules, 15 boules, je sais pas ce que je vais lire. T'as une chance sur. J'ai l'impression que tu fais beaucoup ça. C'est... Je kiffe. T'as pas pris Tool Wildstorm ou un truc comme ça Ta gueule. Oui, j'ai lu Tool Wildstorm, il rebootait tous les 3 mois, c'est l'enfer sur Terre, on comprenait plus rien. Mais de temps en temps, tu tombes sur des perles, et effectivement, yep. C'est comme ça que j'ai découvert Dave. Dave, je sais pas si c'est traduit en français. C'est Ankama. Bah, c'est Ankama, mais ils ont fait que le premier volume. Il y a le 2 qui ne devrait pas tarder à sortir. Alors le 2 est moi-même. Mais alors Dave, j'ai lu le pitch sur le magazine Previews. Des robots qui ont fini par se libérer du joug. Les robots ont été créés par l'homme pour faire toutes les tâches de merde, comme dans tous les films, comme d'habitude. Battlestar Galactica. Voilà, et comme Matrix et compagnie. Sauf qu'à un moment donné, ils en ont marre. Et le pitch était, voilà, ils se sont rebellés. Et puis on se retrouve Dave, qui est un ancien soldat et qui a envie de trouver une vie normale, un truc comme ça. J'ai dit, tiens, c'est complètement con, je vais acheter. Et le pitch, c'est ça. C'est-à-dire que tu as les robots qui sont rebellés contre les humains et qui ont fini par tuer tous les humains parce que bon, c'est une race de merde. Et vu que les robots ont aimé ça, ils ont commencé à vu que les robots ont tué tous les humains, la planète Terre est devenue la cible pour tous les aliens. Du coup, les robots ont tué tous les aliens et vu qu'ils ont pris goût, ils ont tué tout être vivant dans l'univers connu. Et derrière, ils se sont retrouvés sur Terre. Et puis, vu qu'ils se faisaient chier, eh ben, ils ont recréé une civilisation humaine avec le mec qui va faire son métro boulot dodo, qui rentre chez lui avec un fils qui est sur son smartphone, qui ne regarde même pas, avec une bonne femme avec qui il n'a pas eu de relation sexuelle depuis je sais pas combien de temps, qui le méprise totalement. Et tu te retrouves avec un personnage qui a tué toutes les races qui existent et dans un boulot de merde. Et c'était juste génial. Et vu que j'ai adoré ce comics, j'ai acheté l'autre comics qu'on fait, le duo qui s'appelle Hot Dame, qui n'a pas été traduit en français, où c'est l'histoire d'un gars qui finit en enfer parce qu'il a fait une overdose. Et l'enfer, en fait, c'est pas du tout ce qu'on croit. L'enfer, c'est une énorme séance de psychothérapie de groupe. Putain. Où tu as des mecs avec des cornes qui disent, bon, vous êtes en enfer parce que vous avez été vilain. Pourquoi vous avez été vilain? Rappelez-vous ce qui s'est passé. Il y a une scène hallucinante où lorsque tu arrives, je parle un peu trop, tu couperas. Lorsque tu arrives en enfer, il y a un démon avec des cornes et des dents, super méchant, mais en costard, qui t'accueille en disant, bon, ben, je suis ton guide. Ça me fait chier parce que j'ai pas autre chose à foutre. T'es un con d'humain de merde, t'as une vie de merde, mais bon, voilà. Et en fait, le héros, qui est donc un ex-toxico, avec son guide, à un moment donné, ben, ils font tous les bordels de l'enfer. Ils se droguent, ils en peuvent plus. Ils font des possessions démoniaques qui tournent pas bien et compagnie. N'importe quoi, et ils finissent par se faire punir. Ils vont voir Astaroth. Alors Astaroth, le démon, il fait, ah non, pas Astaroth, non, c'est l'enfer, non, c'est un gros salopard. Et pendant toute une partie du comic, c'est un truc comme ça, non, mais le mec, c'est le top punisseur et tout. Et puis d'un coup, t'as Astaroth qui arrive avec de la brume et tout, et des cornes dans tous les sens, des dents, je suis Astaroth, je suis le plus grand punisseur des 16 cercles de l'enfer. Avec moi, vous allez comprendre, vous allez enfin, je vais punir votre âme éternelle. Bon, maintenant, désapez-vous. Et les mecs se foutent à poil, et en fait, la punition, c'est de marcher sur des Legos et jeter du savon du savon dans les yeux parce que ça pique. Et le mec, il part comme ça, ah non, j'ai été puni et tout. Et c'est que des conneries comme ça. Et j'ai découvert ce comics qui est hallucinant parce que j'ai été curieux à un moment donné. Ouais. Voilà ce que je voulais. Mais ça me rappelle un petit peu, moi j'avais lu le Rocket League de Rocket League, oh là là, Rocket Raccoon. Ouais, c'est un jeu. Le Rocket Raccoon, c'est Scotty McYoung. C'est Scotty Young. Et je me suis dit, putain, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Et puis j'ai vu I Hate Fairyland. C'était un speech, putain, mais c'était juste génial. Une petite fille qui. Je rêverais d'être dans un monde merveilleux. Ouais, on l'a fait en émission. Ouais, mais ce rêve, voilà, mais scroller encore une fois. Mais juste, je vous le conseille vivement parce que c'est, ça défonce tous les clichés de la princesse, la petite fille qui est bloquée dans un monde depuis 35 ans. Est-ce que tu as lu le Free Comic Book Day de. Mais oui, je l'ai lu, le Image. Oui, un Massacre Image. I Hate Image Comics. Cette petite fille qui fait toutes les publications de images de Walking Dead à Spawn et elle bute tout le monde et c'est très très drôle. C'est juste génial, mais voilà, c'est pareil, c'est un truc, ça fait pas du super-héros et putain, ça claque, ça fait rire. Ouais, faut être curieux, faut être proactif, encore une fois. Il y a un truc qui te plaît, tu notes un an, tu notes, comme disait Juni, tu notes Declan Shelvey parce que son graphisme t'a cassé le fion, tu regardes ce qu'il fait et derrière, tu vas forcément tomber à un moment donné sur un truc sympa. Quoi. Mais ouais, faut faire l'effort, faut sortir un peu les doigts du cul, faut aller voir des gens, faut discuter, faut essayer de forme. Et puis, même sans aller dans le comics américain, tu lis Badass, c'est des Français, c'est 4 tomes, c'était vraiment cool. Si t'aimes l'humour noir, le mec qui a juste beaucoup de bol, t'as quoi d'autre encore qui peut c'est être Messina, c'est Solo aussi Badass. Oui. T'as Solo aussi, putain, si t'aimes l'esprit Mad Max, bon, c'est des Mad Max avec des souris, quoi, c'est du post-apo où la souris va se débattre pendant des semaines et des semaines pour essayer de survivre dans un monde où il va devenir gladiateur, qui va devenir libérateur, qui va devenir... Et le troisième tome, il sort bientôt, et putain, mais ça fait ça du pourrait bien. être un excuse-moi de couper, mais un thème de comics, de Comics Discovery, excuse-moi, mais le French Comics, est-ce que tu as des trucs à... Bon, à part... que tu viens de dire pas forcément du French Comics, moi je sais, moi c'est surtout la, fin, les mecs qui essaient de dire putain le franco-belge c'est de la, fin, c'est chiant au bout d'un moment, faut changer. Il y a Vives qui fait des trucs de ouf, le Last Man de Vives, c'est splendide, je vous conseille l'animé aussi si vous voulez commencer. Bah voilà, commencez par la licence, commencez par l'animé, non quoi que commencez pas par l'animé, ouais c'est spécial dans le dessin, mais en réalité le mec, faut savoir qu'ils sont trois, donc il y a Balak, ouais. Vives et je sais plus comment il s'appelle l'autre connard. Et oui, Miller. c'est presque ça, Thomas Rivière. et les mecs, ils ont, enfin il y en a un qui est storyboarder pour les films Marvel et tu le sens, putain, quand t'as une scène d'action, ça met une claque. Badass, ça m'a mis une claque dans la tronche. Urban, c'est une bande dessinée qui est chez Futuropolis. C'est quand même un parc de plaisir où les mecs partent pendant deux semaines et ils ont le droit de faire tous les plaisirs qu'ils veulent de toute leur vie. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des trucs un peu glauques autour et que c'est un mec sympa qui est là et qui sait pas quoi faire. Enfin, dans n'importe quelle bande dessinée, et t'as des trucs qui sont juste ouf, et on a une nouvelle vague qui arrive au fur et à mesure. Après, au niveau French Comics, non, il y a... Est-ce que c'est vraiment la peine de persister sur le French Comics ? Est-ce que c'est juste pas notre truc ? Parce qu'il y a quand même... Il y a du French et Comics... Il y a Foxboy qui est pas mal, non ? Je sais pas si tu l'as vu. Il y a du français Foxboy. Qui le fait. Ça me parle pas du tout, je suis désolé. C'est un breton qui se fait mordre par un renard et qui se trouve... Son père est un renard. Bah, oui, apparemment, ouais. C'est cool. Ah bah, ça me donne carrément pas envie de lâcher... Ah, carrément envie de lire, mais... Non, franchement, c'est pas... Non, mais voilà, est-ce que c'est notre truc, vraiment, le super-héros? Mais ça peut, regarde... Le manga qui faisait des trucs aussi. Le dessinateur de Black Science, c'est un putain d'Italien. Oui, mais un Italien. Italien, ils ont c'est peut-être un plus, Italien, mais nous, on peut faire des trucs sympas. Les Espagnols aussi, ils sont très très bons. Mais est-ce qu'en France, on a vraiment... Je sais pas. J'ai un peu l'impression que... je sais pas si t'as lu... Alors, j'ai les balles du French Comics, vraiment... comment il s'appelait mais vraiment du super-héros français, j'ai bouffé son nom. Super Dupont ? Non. Désolé. Il y avait pas le vigilante, le gardien républicain, ouais, par exemple. Ouais, merci les gars. Mais c'est pas, enfin, voilà, là c'est du super-héros français. Quoi. Et c'est bien ou pas ? Mais je sais pas, j'ai pas lu. Ça je l'ai pas lu, mais ça me rappelle, c'est Sentinel, où c'est des mecs qui ont créé une espèce de ligue d'Avengers pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est fait par c'est d'Horizon, je crois, qui est au scénario. Et en fait, c'est un mec qui crée la pile au radium. Et en fait, pendant la Première Guerre mondiale, c'était une véritable boucherie. Donc toutes les batailles dans la bande dessinée sont des vraies batailles de la Première Guerre mondiale. Et on lui arrache les bras, les jambes, et ils vont en faire un méca. Et ça devient le symbole, la sentinelle, le symbole de la France. C'est en 4 tomes, c'était juste top. Ouais, mais pour le coup, c'est très branché histoire, c'est très branché histoire française. Il n'y a pas de SF du tout, t'as pas d'attaque d'aliens ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui nous est propre à notre culture. Effectivement, partir là-dessus, oui, ça peut être intéressant, le French Comics. Moi, le peu que j'ai lu en French Comics, qui veut faire du comics américain avec des Kree, des Skrulls, des Shire, n'importe quoi, qui est Hulk qui arrive dans tous les sens. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait on est cette fibre-là. Par contre, effectivement, dès que tu pars dans un truc un peu plus français super-héros, t'as des machins sympas. Le vraiment seul que je connais que j'ai lu, c'est Last Man, qui est vraiment vraiment très très très bon. Ciao Max, à la prochaine. Qui doit partir. Ah oui, Max s'en va. Du coup, il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un. Ouais, autour de la bière. Mais voilà, est-ce que vraiment il faut qu'on persiste là-dessus? Ouais, l'école italienne, l'école espagnole, ils ont quand même pas le même. La même approche, et puis bon, c'est Scalera qui est sur qui est effectivement un Italien sur Black Science, mais ça reste Remender qui est au scénario, quoi. Qui est américain. Et apparemment, j'en avais discuté avec Pierrick Collinet qui a fait Infinite Loop, et apparemment, quand ils sont allés pitcher Infinite Loop chez IDW, ils ont pas dit que c'était pas Elsa qui écrivait, parce que un scénariste qui soit pas de langue. Anglophone, ça passait pas. Ouais. Oui, après, t'as des mecs aussi qui font du comics uniquement en France. Bon, c'est pas forcément excellent, mais c'est le Infinity 8 de Lewis Trondheim où il y a Boulet, il y a Davy Mourier, il y a plein d'auteurs parce qu'en fait, à chaque tome ça change, ça sera sur 8 tomes. Ça a le format comics, c'est un bide total parce que au fait, c'est Lewis Trondheim qui fait du format comics et que les auteurs de bande dessinée disent ouais, mais ça me fait chier parce que c'est du format comics, et les mecs qui disent du comics, ça me fait chier parce que c'est des Français. Ouais. Tu l'as lu du coup ça Moi je l'ai lu, c'est rigolo, c'est pas. Enfin, les mecs ils nous vendaient ça comme du space opéra, génial, machin, vous allez voir, 8 réalités qui vont se réunir. je m'en fous. Il y a, moi, le deuxième tome, je l'aime bien parce que c'est les mecs qui sont en train d'essayer de ressusciter Hitler parce qu'ils pensaient que c'était juste un bouddhiste, enfin une sorte de bouddhiste novateur où tu les vois en train de faire. Vous avez vu mon blog mode nazi ? Il est vraiment top, quoi. Et regardez, j'ai fait des cupcakes avec une croix gammée et qui s'aperçoit que nazi, au fait, que Hitler, quand il revient à la vie, c'était juste un gros enculé. Ils sont là en train de faire. Ah merde, mais ils auraient dû le dire. Ben oui, ça s'appelle l'histoire en fait. Et t'aurais dû te renseigner. Il y a plein de trucs comme ça. En fait, chaque tome va vraiment avoir une ambiance c'est différente. C'est le studio de Montpellier qui fait ça, Mastodon. C'est Comics Bureau qui est derrière. Donc c'est des mecs au fait qui se réunissent. Mais après, il y a pas mal d'auteurs. Enfin, et c'est édité, c'est chez Rue de Sèvres, si je me souviens bien. Okay. Donc voilà. Après, juste alors là, c'est juste moi un petit apartheid. Si on parle de très bons, je suis une apartheid tout seul. Non, mais si on parle de très très bons auteurs, scénaristes de comics américains, on va citer peut-être Neil Gaiman, Garth Ennis, Grant Morrison, Warren Ellis, Alan Moore et compagnie, qui sont des Britanniques. Et c'est à ce moment-là, peut-être une grosse école britannique qui est arrivée. À un moment donné, le comics était vraiment moribond parce que les mecs en spandex, ça va 5 minutes, mais une fois qu'ils ont fait 3 fois le tour de la galaxie, on s'emmerde. Et les scénaristes, les Anglais. Ouais, ils sont allés pêcher chez les Anglais qui ont apporté énormément à tous les niveaux. Warren Ellis a dynamité à lui tout seul le comics de super-héros à l'époque quand il était chez Wildstorm. C'est un peu obscur, mais des titres comme Stormwatch et The Authority ou des machins comme ça qui ont cassé. Watchmen, Alan Moore, après bon peut-être les restes un peu moins. Neil Gaiman dans Miracle Man, c'est Alan Moore peut-être. Vu que tu es en train d'en parler, j'avais une autre question qui était peut-être un peu dans le même délire. C'est est-ce que vous commenceriez avec des titres vraiment cultes, genre est-ce que tu vas aller sur une Écoute, j'ai eu l'expérience il y a pas longtemps. La réponse est non, c'est clairement non. J'ai une collègue au boulot qui est une fille d'ailleurs qui a très vite vu les t-shirts que je portais et les fonds d'écran que j'ai dit du comics. Curieusement. Et du coup, elle m'a dit, c'était intéressant parce qu'elle m'a exactement dit, je sais plus qui c'était tout à l'heure, putain, j'adore Batman et Spider-Man, machin, tout ça, mais il n'y a pas des comics, si, mais pas ensemble, pourquoi ? Et je me rappelle avoir fait un énorme tableau avec des flèches de partout pour expliquer pourquoi ça pouvait pas se rencontrer. Personne n'a rien compris à ce que j'ai fait, mais le machin est encore affiché dans le bureau. Et il y en a une photo, on la mettra sur. Ah ouais, je veux voir. Ah non, mais j'avais fait ça bien. Et pour la petite histoire, il y a une autre fille qui travaille là où je travaille qui est arrivée en disant, j'ai lu ton truc, j'ai vu Deadpool, j'ai compris. Et j'étais content parce que j'ai dit, mais t'as compris où c'était ? Ouais, c'est un X-Men, c'est un mutant, donc c'est là, c'est pas là. Et j'étais content de moi quand même, parce que c'est pas forcément facile à expliquer. Je veux une photo. Et pour le coup, j'ai fait une erreur vraiment de débutant. Elle m'a dit, je veux lire du comics, j'ai filé Dark Knight de Frank Miller. Oui, non, mais en même temps. Et qui est imbitable total. Ah ouais. Et pour le coup, au bout de. Assez rapidement, j'ai vu qu'il n'y avait pas moyen. Et j'ai dit, bon, je m'excuse, lis Saga. Et Saga, j'ai filé les 7 tomes VO. En 3 jours, elle m'a dit, il n'y a pas la suite. Et j'ai fait, non, faut que t'attendes. Et entre-temps, j'ai comblé avec du Fable. Et elle me lit 2 volumes par semaine. Je pense pas qu'elle écoute Laurie, mais bon, si elle écoute, j'ai fait une dédicace. Et pour le coup, voilà, c'est je me suis foiré, c'est la mienne. Mais effectivement, commencer par des machins cultes, je pense que c'est très compliqué, c'est un peu pointu. Dark Knight, c'est compliqué, mais le Red Son, ça reste accessible. Le Watchmen, c'est encore particulier. Le V pour Vendetta, ça reste particulier. Watchmen, il y a un cadre vraiment. Moi, quand j'ai lu Watchmen, excuse-moi, je te coupe, parce que j'ai lu Watchmen, t'étais vraiment dans une montée de comics lumineux. Et d'un coup, j'ai pas lu Watchmen quand c'est sorti. Watchmen, donc Alan Moore, Dave Gibbons, le comics qui pose la question rapidement, mais le super-héros nous garde, mais qui c'est qui garde les super-héros si jamais ils pètent un câble. Et pour le coup, je l'ai lu à une époque où effectivement, j'ai dit du super-héros, du Captain America qui commandait Hydra ou machin comme ça, et ça m'a mis une claque. Mais c'est années 90, faut remettre ça dans le contexte. Moi, c'est ce que je disais dans ma vidéo, je fais un peu de pub pour ma vidéo parce que allez la voir sur les Oui, on a compris. Elle est cool. Non, mais ce que je le prenais en exemple en disant que je sais pas si Watchmen c'est une bonne idée pour commencer les comics parce que c'est quand même un comics sur le comics. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est une déconstruction d'un truc. Si tu sais pas comment on le construit à la base, c'est pas dit que ça va t'évoquer quelque chose. Si tu connais pas le Golden Age, si tu connais pas, tu vas passer à côté de tout un. Oui, mais plus tard, quand tu vas le relire, tu vas découvrir des choses. Non, mais c'est pas. Comment dire, c'est pas le genre de truc que quelqu'un viendrait me voir en me disant j'en ai jamais lu avant, de super-héros en l'occurrence. Je lui dirais pas Lee Watchmen, je lui dirais Ok. Un autre exemple, classique, le Thor de Chris Samnee. C'est un très bon bouquin, c'est tranquille, c'est sympa, ça introduit bien le personnage. Je lui lirai pas La mort de Thor parce que oui, toi-même t'as rien compris, tu vois. J'ai vu plein de vidéos qui disaient comment commencer Batman et qui disaient tous lisez Batman Year One. Et pour moi, je sais pas si c'est une bonne idée parce que Batman Year One, c'est vraiment la construction du couple Batman et Gordon. si tu connais pas déjà le couple Batman Gordon et la relation qu'ils ont dans les autres comics, tu vas passer à côté de tout un pan. Mais ça, ouais, c'est bah, bien écrit, mais je sais pas si c'est quelque chose que tu vas apprécier autant que si. Par contre, si tu lis, si tu lis de la VO, tu lis le Teen Titan Year One. Là, tu vas t'éclater parce que t'as justement, t'as pas cette construction là derrière. Tu t'en fous parce que tu vois, t'as tout qui est expliqué. C'est un peu teenager, mais c'était vraiment cool. Mais oui, non, tu commences pas Batman avec Year One. C'est un autre avantage de l'indépendance, ça, c'est que t'as une série fixe et t'as pas besoin d'avoir saga, par exemple. T'as pas le truc annexe, genre, alors cette histoire se passe 25 ans dans un univers parallèle où il faut comprendre qu'il a eu genre 25 ans de vie derrière lui. Et c'est l'histoire du chat mensonge pendant 17 tomes. Disons que les super-héros sont devenus une espèce de d'hydre où il y a plein de trucs qui se mélangent et c'est pas super évident. Il y avait une mère qui m'avait demandé quel bouquin je recommanderais à son gamin de 11 ans. Je me suis rendu compte qu'elle m'avait dit il aime bien Batman, je me suis rendu compte que tous les Batman auxquels j'arrivais à penser qu'on considérait comme les meilleurs bouquins. Capullo Snyder. Non mais c'est ça le truc. Attends, mais justement, le gamin il a 11 ans, tu veux lui recommander quoi? Ou il y a rien ans, de. C'est compliqué, hein. Voilà, j'ai commencé à faire la liste dans ma tête de tous les bons Batman, genre les gros cultes Batman, et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait aucun que je pouvais recommander à un gamin. C'est Batman! De Bruce Timm et Paul Dini. Bah justement, c'est ce que j'ai fini par lui dire. Et je lui dis, il y a plein d'autres livres, genre Killing Joke ou autre. Le gamin doit rester loin de ça. Batman Hammer Pizza. Ça dépend encore du gamin, parce que en vrai, il y a 11 ans, enfin quand j'avais 11 ans. Oui, quand j'avais 11 ans. Je parlais à la mère, attends, si c'était le gamin, je lui aurais dit alors, il existe ce bouquin, il s'appelle Killing Joke, il est génial, faut que tu le lises. Mais tu dis pas à ta mère. Mais tu vois, moi je sais que mon vieux, très vite, il m'a fait jouer à des jeux plus ou moins violents. Ça veut dire qu'à l'âge de 4 ans, je jouais à Doom. Yep. Et j'étais bien formé. Et quand j'ai eu 10 ans, donc j'étais en train de lire Naruto, One Piece, toutes les merdes qui passaient en shonen en termes de manga. Et puis j'ai fait, ouais, ça commence à m'emmerder. Et puis le mec, il m'a dit, bon, bah toi, je pense que t'es prêt, tu vas lire Manhole. Manhole, Tetsuya Tsutsui, c'est un manga qui est tellement violent et tellement crade qu'il faut savoir que dans des régions même au Japon, ce n'est pas vendu, c'est considéré comme une œuvre nocive. Nice. C'est super cool, c'est en 3 tomes. Lui, il veut. Et tu l'as dans ta boutique? Ouais. Je passerai bientôt. Et c'est un truc, tu vois, enfin, il y a des gamins, moi 11 ans, quand j'ai lu, je me suis éclaté. Il y a des gamins de 11 ans, je les vois arriver. Coucou, c'est du One Piece, est-ce que tu me conseilles quelque chose de violent? J'ai fait non, je te fais pas conseiller quelque chose de violent, je te conseille Black Clover, je te conseille Academia. C'est pour ça que je disais, je parlais à la mère, le gamin, je le connais pas, j'ai pas lui recommandé les trucs pareils. Ma soeur, elle a 7 ans, à 7 ans, je matais des trucs que je sais que je pourrais jamais lui montrer parce qu'elle est. Elle a pas la préparation, la gamine, elle regarde la Reine des Neiges. C'est pas pareil. Enfin bref, je sais même plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Mais je pensais à un truc tout à l'heure parce que je suis en couple avec une fille depuis environ un an et félicitations. Depuis... Non mais attends, non mais ça n'a rien à voir. Non mais c'est pas le sujet. Mais je me suis rendu compte que du coup je suis devenu plus ou moins pseudo libraire. Et quand je dis pseudo, c'est-à-dire que j'ai une connaissance relativement limitée. Mais du coup elle se ramène chez moi et elle avait jamais lu de BD avant. Elle même m'a admis que les BD non seulement elle considérait ça légèrement pour les gamins, mais en plus elle avait jamais juste trouvé d'intérêt au truc. Un jour elle a débarqué chez moi. Forcément elle a vu mon appart, elle a vu mon étagère et elle m'a dit. Tu me recommanderais quoi machin? Et je lui ai parlé d'Hellboy parce que voilà, elle a fini par lire ça, mais je lui ai quand même dit tu vas dans mon étagère, tu prends ce que tu veux. Évidemment pour les nouveaux lecteurs c'est vraiment le plus gros critère, c'est une fois que t'as enlevé tout ce qui est demandé au libraire, t'intéresser aux personnages, son histoire, machin, truc, faire des recherches et tout, le truc le plus simple et le plus efficace c'est rentrer dans le magasin, tu regardes ce qui te plaît, tu regardes ce qui te plaît au niveau du visuel et au niveau du concept. C'est comme quand tu disais les gens qui viennent te voir en disant j'aime bien la SF. Tu regardes ce qui te plaît et qui a l'air un peu SF, tu regardes le design, c'est un peu comme quand tu vas voir un film, tu regardes la bande-annonce du truc, tu te dis bon la réelle... T'as pas de bande-annonce de BD. T'as pas besoin de bande-annonce de bouquin, parce que tu ouvres le bouquin, tu regardes le dessin, c'est déjà une bande-annonce en soi, ça te donne une idée du visuel, tu regardes le design, ça te donne une idée du tu lis le truc au dos avec comment on appelle ça encore, le pitch, ça te donne une idée du concept. Bah, quand tu vois un bouquin, exemple, tu le sais si Preacher, j'ai pas lu Preacher parce que Steve Dillon, je peux pas, je trouve ça trop moche. Bah c'est un exemple de bouquin que t'aimes pas. Mais je sais que ça va être une bonne histoire. Et je me dis qu'un jour, sur mon lit de mort, je lirai Preacher et peut-être que je vais kiffer. Même si je trouve que le dessin est moche et je kifferais. Non mais là encore t'as une connaissance du truc de base. Tu sais que c'est un bon livre. Moi je parle des gens qui rentrent et qui savent absolument rien. Oui. Juste rentrer dans le magasin et regarder les bouquins. Il y en a forcément un où vous allez vous dire. lui, il a un truc qui ressemble un peu à ce que j'aime bien, parce que je sais pas, c'est de la SF ou de la fantasy. Et il a un dessin qui me plaît, parce que voilà. Alors, ça peut être n'importe quel type de dessin, c'est pas vraiment la question. Mais l'idée, c'est tu entres et tu choisis plus ou moins au pif ce qui te plaît sur le moment. Et c'est exactement pareil que quand tu regardes des bandes annonces de films, des fois tu tombes sur une bande annonce sur Facebook, c'est le type de film que ça se trouve, tu serais même pas allé regarder. Baby Driver. Et au final, tu vois la bande annonce et tu dis, ça a l'air cool. Et tu tentes ta chance, et si ça se trouve, t'aimeras pas, ça se trouve, t'aimeras. Baby Driver. Faut tester. C'est vraiment mauvais. Non, mais voilà, les gens ont souvent tendance à me dire soit les comics, j'aime pas les super-héros, y a pas que ça, y a pas que du super-héros, soit ils me disent j'y connais rien, ça m'a l'air compliqué. Alors qu'en fait, il suffit juste d'y aller et c'est exactement pareil que pour les autres types de divertissement. Tu regardes la tronche que ça a et tu te jettes dedans et tu verras bien. Là, pour le coup, pour faire mon vieux con niveau éditorial et compagnie, il y a un choix qui est phénoménal. Là, il y a vraiment dans une bonne librairie, vous avez tout ce qui se fait de bien, de pas bien, de moyen, de formidable en comics, vous avez forcément tout. Pour ça, j'ai une anecdote à la con, c'est mon patron quand il a ouvert la boutique, c'était il y a 21 ans, il y avait 600 sorties de bande dessinée par an. Aujourd'hui, on est à 6000 sorties par an. Donc, vous avez forcément trouvé quelque chose qui vous plaît, mais que ce soit du comics, du BD, de la bande dessinée ou du roman graphique, du manga. Réellement, quand moi on arrive, on fait t'as des parents qui arrivent et moi je lis pas de manga parce que ça me casse les couilles de voir du Dragon Ball Z. Je leur dis, mais attendez, vous imaginez pas, vous lisez 20th Century Boys, vous allez prendre une claque dans la gueule quoi. Monster, c'est génial. On est en France, on a quand même des clichés qui ont du mal à survivre. Voilà, Club Dorothée a fait quelque part, malgré ce qu'ils ont fait, beaucoup de mal au manga en l'occurrence. Mais le Club Dorothée. Alors, oui, par rapport à ça, c'est Ségolène Royal qui a fait un papier dans le Télérama expliquant que ça menait à la violence et à la pédophilie. C'est cette grosse conne. Donc, ça mène pas du tout à la pédophilie. On sent l'amour. Ça mène pas du tout. On sent l'amour. Cela dit, à mon avis, c'est plutôt un peu au milieu. C'est-à-dire que Dorothée, pas elle personnellement, mais genre le club Dorothée en général, ils ont pris des propriétés qu'ils ont remaniées de manière à. Non, mais ils ont fait le truc au point que son état limite insultant des fois. C'est pas ça. Ils ont pris des mangas qui pensaient pour gamins, genre Ken le survivant. C'était. Non, mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. C'est qu'ils ont pris des trucs et ils les ont modifiés et au point où t'as un stade où je comprends les adultes qui voient ça en se disant, mais pourquoi c'est totalement débile. Et qui considèrent ça comme stupide et qui se disent ensuite que tous les mangas sont comme ça. Oh putain merde. Non, franchement, je comprends certains. Le torrent de montagne. Je comprends certains des parents et grands-parents qui voient des trucs qui ont été remaniés pour être stupides alors que c'était pas ça à la base. Et ils se disent que tout le médium est comme ça alors que c'est pas le cas. Et même le truc qu'ils voient en fait est originellement pas comme ça. Je tiens juste à rappeler quand même que dans Nicky Larson en version VF, il allait dans un restaurant végétarien parce qu'il était habillé en lapin. Non, c'était un bordel. Clairement, c'était un bordel. Quand il prend un coup sur la tronche parce qu'il amène quelqu'un à un restaurant végétarien, ce n'est pas possible. Ouais, mais bon, les gamins se posaient pas la question. Mais bon, voilà, c'est tout ça pour dire. Je comprends un peu les parents. Oui, qui disait oui, on boit du jus d'orange. Lui, c'est du jus d'orange. Mais moi, je me posais la question. Franchement, enfin, je suis un grand fan de la version Dorothée des Shōwa et Zodiac. Ouais. Tu vois, la version censurée, moi je l'ai en DVD, j'ai l'intégrale. Sean avait une voix de fille au début. Voilà, c'est ça. Non, c'était même pire que ça parce qu'à chaque épisode, il changeait de voix. Ouais, j'ai vu ça aussi. Et réellement, je suis vraiment un gros fan. Je les ai vus. Et il y a une fois où il y a eu un des runs où je l'ai regardé en version non censurée. Ouais. Où je vais te décortiquer comme un crabe, c'est je vais te crever, fils de pute. Tu vois, je me dis, mais même ça, c'était pas fait pour les enfants. On essaye d'adapter des dessins animés qui n'étaient pas faits pour enfants. Le Batman de 92 que je regardais avec mon père, quand je le regarde aujourd'hui, je pourrais pas le montrer à un gamin. Parce qu'en vrai, c'était plutôt mature, il y avait quand même un truc en fond. Et c'était ouais, pas. Ça reste quand même accès. Attends, de quel Batman tu parles? Le Batman de Bruce Timm et Paulini? Oui. Ah non, moi je le montrerai à un gosse. Je ferais que ça même. Mais oui, mais j'ai un gamin, je vais essayer, on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai que quand tu regardes maintenant les dessins animés, genre Voltron ou. Encore Voltron, c'est de la merde. Enfin, la version Netflix, j'ai tenu. J'ai regardé la première saison. J'ai pas encore regardé la dernière saison, mais moi je trouvais ça cool. Mais c'est parce que j'aime ce genre de truc. Ça me rappelle. Ouais, moi les Power Rangers ça me parle pas du tout. Donc. Mais oui, mais moi j'aime ça. J'aime les Sentai. J'aime France 5, putain. Si, une bonne production française, mais ça c'est de la série. Je fais de la publicité parce que j'ai bossé chez No Life et je les aime ces mecs-là. France 5, regardez-le. C'est les Power Rangers français. C'est les défenseurs de la Tour Eiffel. Red Fromage, Black Beaujolais, Pink à la mode, enfin vraiment. Je sais pas si c'est un peu ma vieille. Enfin. C'est ma vieille, mais c'est trop cool. Cela dit, comparé Power Rangers et le Batman de Bruce Timm, je pense que c'est un bon cas parce que la conception n'est pas la même. C'est-à-dire que d'un côté, t'as le Power Ranger qui est fait par une compagnie qui s'est dit je vais prendre des trucs japonais. Et je vais faire des jouets. Non, mais c'est ça, c'est créé pour faire des jouets avec un scénario aussi bateau que possible. Les mecs n'en avaient strictement rien à battre. Batman, par contre, c'est plutôt des gars à qui on a dit vous nous faites un dessin animé. Et eux, pour le coup, ont trouvé le moyen, malgré toutes les censures qu'on leur a mis sur le dos, de faire un truc intelligent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis que je le montrerai à un gamin, c'est que on a souvent tendance à se dire c'est pour les gosses, faut rendre ça un peu débile et simple et simpliste même, alors que justement ce Batman il avait la qualité de se dire le gamin n'est pas un imbécile. Il faut lui montrer des trucs. C'est pas nécessaire d'être trash, mais lui montrer des trucs un peu complexes qu'il va comprendre au fur et à mesure du temps, tu vois. Steven Universe, qui est c'est un truc simple, mais qui est vachement. Et ça passe à quelle heure sur Cartoon Network aux US? Je regarde pas. Ça passe le soir. Adventure Time, ça passe le soir, c'est pour les adultes. Samurai Jack, c'est même plus sur Cartoon Network, c'est sur Adult Swim. Wakfu, ça a été annulé parce que ça parlait trop aux adultes. En France, on n'a pas cette culture-là. En France, malheureusement, on n'arrive pas à voir ça et c'est dégueulasse. Le Batman, aujourd'hui, il passerait plus à la télé parce qu'on comprend que c'est pour adultes. Young Justice, c'est passé sur France 4. France 4, c'est les mecs qui ont fait Hero Corp, c'est les mecs qui ont travaillé sur des trucs pour nous. Young Justice, c'est pas fait pour... Les enfants, ils le regardent pas. Ils regardent Teen Titans, la version japonaise, à la con. Ils regardent même pas le Teen Titans d'aujourd'hui, où les derniers épisodes n'ont jamais été diffusés en France. Et la fin, elle est trash. Il y a Teen Titans Go qui passe sur... Oui, mais les Teen Titans, la série juste avant, j'ai testé ça d'ailleurs. Ma sœur a 7 ans, 8 ans maintenant, elle regardait justement les nouveaux Teen Titans, ouais. Teen Titans Go, et elle connaissait que ça. Je lui montrais la vieille série, et en plus, j'ai fait exprès, j'ai choisi l'épisode où Robin se retrouve obligé de bosser pour Deathstroke. Ouais. Et avec la torture psychologique et tout, hein, c'est relativement hardcore comme truc. Et elle a adoré ça. Et elle a 8 ans. Et c'est le genre de truc, la chaîne lui a jamais montré que ce genre de truc pouvait être possible. Du coup, forcément, ils ont que ça, quoi. Bah, et surtout, c'était un dessin de nuit, enfin... moi, les Teen Titans, Justice League, tout ce qui passait réellement sur France 3, je le regardais avec mon père, et mon père a kiffé aussi, tu vois, parce qu'il y avait quand même... Ouais. Il y a plusieurs niveaux de lecture aussi, c'est ce qu'on oublie. Le plus grand fan du Batman de 92, donc de Paul Dini, c'est Kevin Smith, le réalisateur de Dogma, etc. Il faut savoir qu'il achetait tous les originaux vendus au magasin Warner à Hollywood, et qu'il en avait tellement qu'il avait tapissé son sol avec. Il a appelé sa fille Harley Quinn, donc bon. Mais oui, mais c'est vraiment trop cool, et c'est des mecs, parce qu'ils voyaient qu'il y avait... Quand je regarde aujourd'hui le Batman de 92, enfin de 92 ou 94, je sais plus, c'est 94, j'ai une connerie depuis le début, on coupera au montage tous les 92 et ça va te faire du boulot, hein, c'est Batman, chiant, c'est 92, c'est juste pour voir. Et il est même plus vieux que ça. Il y avait une série, elle a commencé en 89 avec le premier film ou un truc comme ça. Et ensuite, ils ont fait un. C'est pas vraiment un remake, c'est genre une suite, ils ont changé la tête. Tu parles du film de 1966 avec la série où il danse à la fin. Le premier Burton date de quelle année? C'est 89, non? Parce que le premier Burton, c'est 89. Le dessin animé Batman est sorti juste après ça. Et ils ont changé le design où ils ont fait genre une mâchoire plus carrée et machin comme ça. Il y a un design plus simpliste après. Voilà, mais c'est essentiellement la même série. Donc en fait, elle date de 89, mais c'est un détail. Voilà, pour les gens qui veulent se mettre aux comics, parce qu'on les a totalement perdus depuis à peu près. 2h, 8 minutes et 14 secondes. Je sais pas si c'est une émission très New Reader Friendly. Bon, après ça, toute la partie sur les dessins animés, tu peux la zapper. Franchement, c'est nous qui sommes vraiment partis à l'ouest. Bon, c'est intéressant, écoutons ça. Non, mais après, tu termines le truc en disant bah voilà, t'aimes les SF, tu dis saga, t'aimes les super-héros, tu te démerdes. Enfin voilà, et c'est bien résumé. Bonne journée, allez. Pour l'émission, tu fais comme Warner, tu fais une director's cut de 4h qui ressemble à rien. T'appelles Josh Whedon, il va faire le montage et tu vas voir ça va être sympa. Tu vas avoir des shots de Wonder Woman en position suggestive. Non mais ouais, le truc au final il est extrêmement simple. C'est, tu vas dans le magasin, tu choisis ce qui te plaît et puis t'avances à partir de là. Tu demandes pas même au vendeur. Ça, franchement, c'est facultatif. Je vais te donner un exemple tout bête. Un jour, c'est pas forcément du comics. Un jour, je suis allé à la Fnac et j'ai voulu aller acheter un bouquin de Terry Pratchett. Tu vois, je me dis tiens, j'ai envie d'acheter, et je me dis j'ai pas forcément envie de lire du Disque Monde, je sais qu'il a fait d'autres choses, et je prends un bouquin où il n'y avait pas marqué Disque Monde sur la couverture, et je fais excusez-moi, ça fait partie du Disque Monde, et c'était le mec responsable du rayon fantastique. Il me dit je sais pas, j'ai fait vous avez déjà lu du Terry Pratchett? Il me fait non, et je fais putain, et t'es responsable de ce rayon là? Terry Pratchett, c'est un mec qui a fait tout un pan de la culture, qui a fait des trucs avec Neil Gaiman, il a fait De Bons Présages qui va être adapté en série par Amazon d'ailleurs, par Neil Gaiman, ça risque d'être cool, mais c'est un mec qui a fait ça, et il a fait Long Terre, Long Mars, et je sais plus quoi, c'est de la SF complètement barré, c'est juste génial, et ces mecs là ils sont là enfin ils sont en train de regarder Oui, mais c'est la Fnac, mais il y a des gens, ils ont qu'une Fnac à côté de chez eux. Chercher un bon libraire BD, c'est compliqué. Tu vas chez un libraire, je vous regarde mon patron, quand je parle à mon patron de bande dessinée, enfin de comics ou de manga, et ça a changé parce que ça fait 20 ans qu'il en lit maintenant, mais pour lui, c'est toujours gamin. Prends le prix Angoulême. Angoulême ne récompense que des mangas jeunesse. Parce que bon, c'est pour enfants. En même temps, leur système est un peu particulier. Les gars ont un peu... Comment dire, c'est un peu le... les prix vont un peu tout le temps aux mêmes compagnies, j'ai envie de dire. Leur système est un peu... Shisa Kobe, par exemple, qui est juste excellent chez les Lézards Noirs, a failli avoir le prix cette année et a eu le prix de la meilleure série. Mm-hmm. C'est juste un manga extraordinaire, c'est Minetaro Mizuki, si je me souviens bien. Et au fait, les mecs, ils ont refusé parce que tout le jury connaissait le mec qui a eu le prix, donc c'est... le chant d'amour après la bataille ou je sais plus quoi, c'est une daube, mais ne l'achetez jamais, jamais, jamais, jamais, c'est la plus grosse daube que j'ai jamais lue, c'est moche, il y a une scène où tu vois un mec planter son sexe dans la terre pendant 4 pages, et okay. Ça n'a aucun but. En même temps, c'est les gens qui ont refusé que Akira Toriyama soit président d'honneur ou je sais pas quoi. Oui, c'est les mecs qui ont accepté Bill Watterson alors qu'il s'est pas déplacé et qu'il a fait tous les vœux du jury par courrier parce qu'il se déplace pas. Enfin, c'est... Après, t'as ce truc-là. Oui, après, regarde, ils ont mis en valeur Akira. Putain, ça fait plaisir quand tu vois que c'était quand même une période. Enfin, on est en France, on a une période anti-manga. Voir qu'à l'entrée, t'avais la reproduction de la moto d'Akira. Yep. Et que tu essayais de monter dessus et que tu te faisais taper dessus par les vigiles. Mais parce que t'as envie d'avoir la même chez toi. Les gars sont assez vieux. Après, c'est vraiment le système français en l'occurrence parce que le milieu de la BD français est assez vieux à plein de niveaux. Que ce soit la manière dont ils font leur bande dessinée, la manière dont ils les publient, le type d'auteur qu'ils aiment et qu'ils aiment pas. C'est l'âge des libraires. Ah oui, non, mais c'est aujourd'hui, pour avoir une librairie, il faut avoir du pognon. Pour avoir du pognon, il faut être vieux. Puis là, on parle de gros festivals, on parle peut-être de gros journalisme et compagnie, mais effectivement, là on est vieux. On comprend rien. Si tu grattes un peu sur les gens qui comme nous, qui s'y connaissent un peu, je pense que. Bon, je parle sous ton contrôle, Jordan. Il me semble qu'on est au moins le premier pays importateur de manga, ça c'est quasiment sûr. On est le premier pays, on est le deuxième plus gros consommateur au monde après le Japon. Voilà, donc à un moment donné, quand tu creuses un peu dans les lecteurs, tu as une culture, tu as quelque chose, mais effectivement. Ils sont généralement jeunes. Quand tu regardes vers les grands médias et compagnie. Maintenant. Je veux dire généralement jeune par rapport aux lecteurs de BD franco-belges qui sont déjà installés, si tu veux, dans les grosses compagnies et tout mais ça. Mais par exemple, dans les mecs qui lisent du franco-belge, putain, que ça me fait tellement plaisir de les voir qui me disent que Taniguchi, ça avait fonctionné. Taniguchi, c'était quand même un auteur qu'on lui crachait dessus au Japon. Il est sorti en France et on a fait, en fait, Taniguchi, c'est bien. Et au Japon, c'est devenu la rockstar que c'est. Mm. Naoki Urasawa, s'il a pu finir 20th Century Boys, c'est grâce au succès que ça a eu en France. Et pour remercier le public, l'avant-première du film. 20th Century Boys 1 s'est passé à Paris avec l'auteur. Nice. Tu vois, c'est des trucs comme ça. On a une exception culturelle qui n'est pas une exception. On a une exception. Yo-Kai Watch est au ciné en ce moment. Quelle est la moyenne d'âge de ces gens-là? Et je dis pas 12 ans. Hein. Parce que quand je dis vieux, je parle de bandes dessinées généralement faites par des gens qui ont dans les 60. Ah ouais, les deux auteurs qu'il a cités, donc Taniguchi et Urasawa, c'est pas des trucs que tu vas lire quand t'as 12 ans. Moi, je lisais ça quand j'avais 12 moi, ans. Moi, je donnerais pas un Monster. Est-ce que c'est des trucs que tu lis quand t'en as 60? Parce que c'est eux. Qui... Non, mais ce que je veux dire, est-ce que les lecteurs de BD franco-belges ou les créateurs de BD franco-belges de 60 ans, en grande majorité, vont lire un truc comme 20th Century Boys? Ça, mais quand tu lis Monster de Urasawa et que tu leur montres juste, tu leur fais, c'est oui, ça se lit de droite à gauche. Lisez le premier tome. Non, je dis pas qu'ils vont pas aimer. Claque dans la gueule. Non, ce que je veux dire, c'est que le milieu tel qu'il est là en France maintenant. Il est pas pour les plus vieux, vieux j'entends, n'accepte pas généralement ce genre de truc. En particulier quand tu leur dis manga. Et c'est un truc, quand je disais le milieu de la BD franco-belge est généralement vieux, tu prends un gars comme Run chez Ankama. L'une des raisons pour lesquelles il a fait Mutafukaze chez Ankama, c'est parce qu'il avait essayé de le faire chez plein d'autres maisons d'édition en France. Et les gars, et c'est un truc que je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je suis en train de faire une BD en ce moment avec un gars qui doit avoir la cinquantaine d'éditeurs. Il est vachement sympathique, mais il y a des moments où il me donne des arguments. Et c'est juste qu'il est d'une génération qui a totalement rien à voir. Et il me dit. Mais c'est pour ça qu'on arrive à avoir la scène indépendante, la belle système. C'est que je lui montre du Sean Gordon Murphy, il me dit c'est pas comme ça qu'on fait de la bande dessinée. Et le truc c'est que c'est juste l'âge en fait. Il admet lui-même, il dit c'est pas ma génération. Et c'est un truc que tu retrouves aussi quand tu vas voir que à Angoulême ils ont eu un problème où il y avait pas de femmes parmi les prix. En soi-disant qu'ils arrivent pas à trouver des auteurs de BD françaises féminines. C'est que quand tu regardes ensuite tous les témoignages de femmes qui se lancent dans la bande dessinée. Et c'est relativement récent finalement qu'il y ait autant de femmes dans la bande dessinée. Souvent elles vont te dire c'est un milieu qui est dirigé par des vieux gars. Et ils ont leur manière de faire. Et c'est. J'ai pas le même problème avec tes profs qui étaient très. Les profs, c'est pareil. Ils ont une idée de comment la BD doit être, si tu veux. Et dès que tu sors un peu de leur canon, de comment la BD est censée être. Surtout qu'en plus, on est en France. Donc France fait de la BD depuis très longtemps. Donc ils ont une idée de. C'est comme ça, tu vois. Ouais. Et c'est pas un truc inchangeable, absolument pas. Et ça veut pas dire que parce que t'as 60 ans, tu liras jamais un truc récent ou qui change de tes habitudes. Mais il y a un système, on va dire, qui est un peu en place. et c'est plus ou moins difficile de les faire j'ai sortir. J'ai un exemple parfait là-dessus, c'est des élèves qui sont venus, des mecs qui étaient en licence, je sais pas quoi, je m'en balais que les couilles, et qui viennent et ils faisaient des cours sur l'histoire de la bande dessinée, d'accord ? Donc l'histoire de la bande dessinée, et ils arrivent, ils me font « Excusez-moi, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que la différence entre un roman graphique et une bande dessinée ?» Parce que je comprends pas très bien, parce que mon prof, à chaque fois qu'il parle, par exemple, de bande dessinée, il fait « Oui, donc vous allez étudier le roman graphique de Manu Larcenet, Le Combat Ordinaire. » Non, putain, c'est une bande dessinée. C'est juste qu'il dit roman graphique parce que ça fait plus sérieux. Il faut arrêter, ouais. Putain de bordel de merde. La bande dessinée, c'est parce que pour lui, ça fait gamin. Watchmen, un roman graphique, alors que c'est sorti en issue... normal, c'est du comics. Mais oui, mais c'est voilà, et ça me tue. Et c'est généralement, c'est ça, c'est les vieux cons aujourd'hui qui arrivent pas à changer d'avis. Quand j'ai un mec qui me dit oui, mais vous savez, moi j'ai déjà essayé le manga, j'ai lu Astro Boy, lis Pluto. Tu vas voir Astro Boy ce que c'est. Lis, oui, j'ai déjà lu Les Chevaliers Zodiac. Ouais, d'accord, t'as déjà lu Les Chevaliers Zodiac. Mais t'as déjà lu Le Vrai Khan le Survivant, t'as déjà lu My Hero Academia, putain, ça défonce. Yep. Black Clover que tu citais juste avant, ouais, Black génial. Clover, c'est génial. C'est un truc tout con, mais moi j'aime beaucoup les mangas sur la bouffe. Et aujourd'hui, en fait, j'ai mon patron qui m'a appelé parce que j'ai des avis très tranchés sur les mangas sur la bouffe. Et on avait une représentante, et c'était sur Glouton et Dragon chez Casterman. Et elle me fait, oui, mais pourquoi vous en avez vendu que telle quantité? Je vais pas dévoiler le chiffre parce que... et je la regarde et j'ai fait, mais parce que... En fait, des mangas de bouffe, il y en a plein, et que celui-là, il était mauvais. Et je lui ai donné tous les points. Et Margane, elle m'a fait, en fait, on est mauvais en manga. Et je lui dis, oui, vous êtes mauvais en manga. Et elle m'a fait, pourquoi ? Je lui ai fait, parce que c'est des vieux cons qui décident. Vous pensiez que ça allait marcher parce que c'était une parodie de Donjons et Dragons et parce qu'on allait cuisiner de la mandragore. Moi, quand je vais lire Food Wars, à la fin de mon chapitre, il y a la recette. Je vais essayer de faire la recette chez moi. Je vais mettre le générique en fond. Je vais m'éclater avec un bandeau dans les cheveux et je me trouve comme un espèce de gros débile à essayer de faire les mêmes cris et à essayer de faire les mêmes cris à ma femme quand elle va goûter le plat. Ça ne marche pas. Mais voilà, c'est ce genre de truc là et ça me fait plaisir parce que aujourd'hui les mentalités changent, cher sur les jeunes générations, sur les trentenaires, les quarantenaires, ça commence déjà beaucoup à changer. Je trouve que sur cette génération-là, ça a bien changé en fait. Ouais, et sur la nôtre ça, aussi. On est les libraires de demain. Enfin, sauf quand Emmanuel Macron va éliminer bien sûr les 5% du livre et passer ça à on vous fait ce que vous voulez et qu'Amazon fera 20% et nous fera tous couler. Mais yikes. Réellement, on est les libraires de demain. On est l'avenir. On est aujourd'hui, on va péter ces stéréotypes. Putain, je suis tellement content de me dire que... non, pas toi, t'es trop vieux. Mais c'est gratuit. Mais je suis vraiment content de me dire aujourd'hui que France 3, aujourd'hui, il passe de la merde en dessin animé et que ça... Parce que les générations ont changé et que demain, on va pouvoir changer les choses parce qu'il y a forcément un jeune con comme moi qui va prendre la direction un jour de ce titre-là et va dire, attendez, Wakfu, Dankama, ben c'est top. Qu'il y a un mec qui va dire un jour que à Angoulême, mais attendez, le label 619, c'est super. Yep. Que quand Florent Moudou a sorti sa bande dessinée, je l'ai fait dédicacer le jour même, il m'a dit t'as aimé, j'ai fait je sais pas, j'aime bien le dessin, je sais pas, et il m'a dit bah peut-être que ça va marcher, peut-être pas, et que je me dis que maintenant quand je vais aller le voir, il y a 4 heures de queue, mais ça me fait plaisir. Run, c'est la même chose, que Debaser de Raph, ça soit la même chose, enfin ça fait plaisir que les mentalités évoluent. Ça a déjà commencé, je trouve, à un niveau macroscopique, pardon, lorsque tu vois les certains réalisateurs ces derniers temps, Sam Raimi, Josh Whedon, Del Toro, compagnie, Peter Edgar Benson, Wright. Edgar aussi, Wright, c'est des geeks, James Gunn avec Guardians of the Galaxy. Kevin Smith, exactement. Et les types, ils sont en place, et ils te sortent des machins qui bousculent quand même globalement le truc en place. Donc bon, après encore, effectivement, en France, on a un vieux pays, ça va être difficile à bouger, mais... Moi, ouais, ça commence. Oui, ça commence par le bas, parce que ça vend. Donc ça vend, à un moment donné, les chevelus, les vieux avec les cheveux blancs en haut, ils vont comprendre, mais combien de temps ça va prendre. En Kama, je suis franchement sur le cul depuis des années, parce que je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je pense justement il y a un peu de ça. C'est ben l'histoire de Run, elle est parfaite, parce qu'il disait j'avais voulu publier Mutafukaze, j'ai essayé chez plein d'éditeurs français, et parce que c'était parce que dans son bouquin il voulait changer de style, changer de papier, changer de police d'écriture, changer de plein de trucs, utiliser un format en nombre de pages que tous les éditeurs français lui disaient mais non, mais la BD c'est 48 pages et il y a tant de cases par page et machin. Et en fait, il a jamais trouvé d'éditeur qui voulait. Et un jour, il débarque chez Ankama et le boss de Ankama qui lui dit tu fais quoi avec Mutafukaze en ce moment? Parce qu'il y avait déjà un truc avant. Ben rien. Ouais, voilà. Et il dit ben rien parce que ben personne veut me l'éditer comme je veux, quoi. Il dit ben tu viens chez nous, tu le fais comme tu veux. Et depuis, ils font ça en fait. Tu viens les voir et ils font des bouquins qui se ressemblent jamais. Parce que chacun d'entre eux a ses raisons pour être comme il est, et il laisse l'auteur faire ce qu'il veut. Et Mutafukaze a donné le premier exemple, parce que le premier Mutafukaze, il est édité chez Ankama. Puis juste après, il faut même putain, mais ça a marché, ça te dirait pas d'essayer de publier d'autres mecs? On va créer le label 619. Et putain, le label 619, c'est le magnifique. Doggy Bag. Sans Doggy Bag, on n'aurait pas eu Bablé. Bablé, il a été dans les nominés pour le prix Angoulême. c'est parce qu'il a commencé en faisant une bande dessinée sur un psychopathe dans un avion dans Doggy Bags tome 1. Et ils font pas que ça en BD d'ailleurs, ils font Ankama fait du jeu vidéo, Ankama fait bah Wakfu, c'est un super exemple. Wakfu, c'est le seul dessin animé français que je regardais à une époque. Et franchement, c'était même le premier depuis plusieurs années. Maintenant, on peut dire que ce podcast s'appelle Digression. Ah ouais, podcast, totalement. Non, mais je veux vanter les qualités de Wakfu parce que c'était, c'était de la balle. La saison 3 qui arrive, elle a l'air juste démente. Mais le truc, c'est sur Netflix, allez-y, vous pouvez. Le truc avec Wakfu, c'est que c'était le premier dessin animé français que j'avais maté depuis des années. Parce qu'on avait atteint un stade où quand t'avais un dessin animé français, c'était simplifié au possible. Et généralement, c'était pour les enfants de 5 ans. Et souvent, c'était un truc genre on prend le petit Nicolas ou une BD en strip et on fait un truc tout pourri avec. J'avoue qu'on est en train de partir dans des discrétions. Ouais, il y a encore plein de questions. Donne-moi ta question. Bon, de toute façon, les questions elles sont finies. J'avais quoi depuis 2 heures. Non, c'est fini. Ouais, j'ai fini. Mais non, reparlons de Star Wars. Tu couperas. Alors, Podamron. Non, je vais dire. Podamron, pourquoi ? Mais pourquoi, Charles Soul ? Pourquoi tu as fait ça à toi qui m'as engueulé sur Facebook ? Oui, tu fais une vidéo supplémentaire en mode tu l'appelles digression. Ouais, voilà, on va faire ça. Ah, bah si, on a fini. Bon, en fait. je crois qu'on a donné tous les commentaires possibles et imaginables. Ouais, démerdez-vous, bonne chance. Le premier gars qui arrive à lire des comics, c'est ce qu'on vient de dire, il nous écrit, on y offre. Je crois que vous avez réussi, j'ai fait notre respect. Avant. Où je donnais des conseils, notamment j'ai dit lisez du kiosque. Vous avez contredit tous mes conseils, je crois. Mais c'est pas grave, c'est là qu'on retourne sur le premier argument qu'on a donné, faites votre propre avis. Regardez la vidéo et allez sur écoutez notre podcast. Bon, si vous avez plusieurs heures à perdre, mais faites-le et vous ferez votre propre avis. Ça se trouve, ces conseils vont plus vous parler que les nôtres. Ouais, c'est ça qui est important parce qu'on est tous uniques, on a tous notre propre expérience de la bande dessinée. Putain, j'ai commencé avec les tuniques bleues et aujourd'hui aujourd'hui j'ai Calvin et Hobbes tatoué sur le bras. Et c'est parce que j'ai évolué et notre lecture du comics va évoluer. Au début, vous allez lire des trucs, ça se trouve, il y a des gens qui vous diront c'est de la daube, mais vous allez aimer. Alors continuez parce que ça vous plaît, renseignez-vous, il y a d'autres choses autour. Voilà, c'est ça, lâchez-vous, sortez du carcan du français vieux pays européen où tu as certains clichés, certains machins. Tu as du bon partout, le manga c'est pas que pour les gamins, le comics c'est pas que du super-héros en spandex qui ont un ennemi par semaine et éventuellement le franco-belge. Et même dans la saison 2, on vous parlera peut-être de BD africaine. Donc vraiment, la BD, c'est partout. Ouais, ça va être drôle pour le coup. Donc, on n'est pas dans la merde. Il va falloir que tu nous briefes un peu avant parce que alors là... Hein ? Non, c'est des artistes africains d'un peu partout en Afrique en fait. Et on s'est trouvé par hasard sur Internet, plus ou moins. Les gars avaient créé un site Internet et on a lancé un fanzine en fait. Et du coup, t'as différents artistes de différents niveaux d'ailleurs, vous allez rigoler un peu. Mais franchement, c'est plutôt fun pour l'instant. Et il y a 2-3 gars, donc je me dis, ouais, toi tu vas pouvoir faire des trucs sympathiques. Donc on en parlera dans la saison 2. Je pense qu'on va finir sur ça. Je vous remercie les gens qui nous a lu jusque. Qui nous a écouté, excusez-moi, jusqu'au bout. Je voulais finir sur un petit truc. Je voulais remercier quelqu'un en particulier. Est-ce que je vais avoir accès à mes mails ? Donc c'était. Non, ce n'est pas Joel Sweden qui, malheureusement, en ce moment, on prend plein la gueule sur Twitter. Mais ouais, mais moi je l'aime quand même, je m'en fous. Même t'as trompé ta meuf, c'est pas grave. Mais c'est pas vraiment la partie tromper le problème. Alors, en fait. T'as trompé ta meuf, je m'en bats les couilles. De toute façon, il écoutera pas ce podcast. Oui, oui. Tout ce que je veux, c'est que tu me fasses un bon Justice League parce que tout ce qu'a fait Snyder avant, c'était de la daube. Merci. Donc voilà. J'allais t'inviter dans les prochains podcasts, mais non, mais non. C'est un énorme fanboy, je te préviens. C'est pas grave. Ouais, voilà. On vote. Je voulais finir. Excusez-moi. En fait, je peux pas parler de BVS avec lui. Tu peux parler de Star Wars avec lui. Non, mais voilà. J'adore le cycle de Tron, mais la vieille version. J'ai lu La Guerre des Étoiles en bande dessinée, mais le scénario original, avant que ça soit une trilogie où à l'époque Han Solo était en vert, ils l'ont fait en BD. Donc, oui, ouais. Je comprends tout à fait ton truc. Je vais finir quand même, pendant que vous êtes en train de digresser. Et l'ancienne République. Je voulais remercier Romain Cuvillier qui nous a envoyé un petit mail. Merci de nous avoir un mail. Et merci d'écouter tous les épisodes. Vraiment, c'est lui. un grand merci à lui. Il m'a dit qu'il était pas loin, donc il était vers le Pixelou. Je tiens à l'inviter officiellement. Donc si un jour tu as envie de venir discuter avec nous plus en septembre quand on aura l'émission podcast, ce sera mieux. Donc tu as envie de venir discuter comics, viens. Ouais, discute. On verra. Merci à tous les spams que je reçois tous les jours. qu'est-ce que je voulais dire moi, je vous donne rendez-vous en septembre. Je sais pas quand on va reprendre la radio parce que la radio est fermée pour l'instant. Donc, début septembre, je vous donne rendez-vous pour Comics Discovery tous les lundis à 18h. Je tiens à inviter Jordan, si t'as envie de venir discuter avec nous. Lundi. Moi, je suis chaud. C'est... Et ben voilà. C'est parce que c'était vraiment très agréable de discuter avec toi. Merci beaucoup. Et de discuter avec vous, avec tous les autres, tous les gens qui sont partis au fur et à mesure. N'oubliez pas que si vous nous écoutez sur iTunes, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et nous laisser un petit commentaire, ça nous fera plaisir et ça nous mettra plus en avant sur iTunes, ce qui pourrait pas être pas mal quand même. Et voilà, on va finir sur ça. Peut-être préciser le nom de la radio, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, tu dis la radio, mais tu dis pas sur quelle radio tu passes. Radio Campus Montpellier, oui. Mais oui, mais c'est toujours sympa, ça fait de la pub pour la radio, ils sont contents. Effectivement, mais ça passera pas en radio, ça passera juste. Ouais, ça passera en podcast, mais bon, enfin, tu vois. Bon, voilà. On fait des bisous à Radio Campus Montpellier. Non. Et on remercie Jordan de la librairie Azimut. Est-ce que tu as l'adresse en tête? On est 13 rue et 15 rue Saint-Guilhem, donc à Montpellier. Et n'hésitez pas à passer, on pourra discuter. Moi, je suis de la partie BD, mais comme vous avez pu vous apercevoir, je lis d'autres trucs, donc ça reste sympa et je vous conseillerais d'autres choses que les Tintins. Même la partie comics, Franck est vraiment calé. Ah ouais, réellement, allez-y, c'est vraiment très sympathique. C'est un monstre parce que c'est juste pour vous donner une anecdote, il m'a fait découvrir un manga, ça s'appelle Seven Deadly Sins. Il m'a dit tiens, je te prête le tome 1, et en fait le lendemain j'ai acheté les 15 premiers tomes et le surlendemain j'ai acheté les 7 qui me manquaient. L'anime est pas mal. Oui, l'anime est très bien d'ailleurs, qui passe sur Netflix. Ouais. Mais voilà, c'est une personne comme ça qui arrive à trouver exactement ce qu'il vous faut et qui vous écoutera pendant des heures s'il le faut pour arriver à trouver le truc qui correspond à votre lecture. J'avais une anecdote par rapport à Azimut, je trouve qu'il est vraiment très bien. J'avais un ami qui achetait beaucoup de mangas chez vous. Et en fait, je crois que c'est Franck qui sélectionnait les mangas qui allaient lui plaire. Et je crois qu'il y en avait une dizaine par mois. Et il les achetait en fermant les yeux, en se disant, ils connaissent mes goûts, ils savent ce que j'aime. Donc forcément, ça, je vais kiffer. On le fait aussi sur la partie BD. On l'a fait, voilà, quand on a des habitués, c'est normal aussi. Donc quand on connaît les gens, c'est comme moi. En vrai, Franck, c'est un truc tout bête. Je travaille là-bas et c'est lui qui fait les rentrées en stock. Et il a un sac avec tout ce qui me revient à moi directement. Il le remplit au fur et à mesure. On dit, Rikudo tome 4, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Saga, c'est pour toi. Donc voilà, c'est genre de... Et ouais, c'est carrément, on n'a même pas besoin de réfléchir. Vous recevez un mail quand vous avez reçu vos... J'ai reçu le premier, je me disais, mais c'est trop bien, mais pourquoi c'est... Comment ça se fait? Et voilà, Couler toutes les autres librairies, ce Ramps, on était à deux doigts de la faire couler, donc continuez comme ça, fait plaisir. Non, ça reste ouvert. Ah, c'est ouvert? Et oui, au fait, ils vont faire c'est le Polymum qui a fermé, ils font le Polymum au rez-de-chaussée maintenant. Ah, bah c'est cool parce que j'aime bien ce Rams, les gens sont... Mais oui, ils sont très sympas et au fait, c'est au départ, c'était petite anecdote et digression encore parce que je reste dans le thème du truc. Au fait, à la base, il devait être acheté par le libraire Le Furet du Nord, il devait licencier 70% des employés. Et finalement, c'est 60% qui vont être gardés, c'est racheté par une autre personne. Il ferme juste le Polymum, il rembauche de nouvelles équipes et le Polymum va être au rez-de-chaussée dans le truc où on n'est jamais allé à Odysseum. Donc c'est vraiment cool, ils ont réussi à garder des gens, c'est des gens de qualité. N'hésitez pas à y aller pour vos romans, pas les bandes dessinées, il faut venir chez nous. Mais voilà, n'hésitez pas, ils sont bien, ils sont qualifiés et au moins c'est des vrais passionnés. J'ai discuté BD avec un des mecs qui bosse là-bas et il savait de quoi il parlait et il avait l'air motivé. Bah, c'est quand même l'un des rares endroits. Il y avait une dame là-bas en BD, c'était cool aussi. Moi je sais que c'est quand même l'un des rares endroits où j'étais arrivé pour la sortie de Fight Club 2. Je l'ai pris dans les mains et le mec il m'a dit reposez-le. Le mec m'a empêché de l'acheter, c'est pas dans son but. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont coulé, parce qu'ils ont pas vendu les Fight Club 2. Mais en vrai, voilà, il m'a. Voilà, c'est de la grosse dobe. Et vu qu'ils étaient tous sous film plastique, on pouvait pas les feuilleter. Donc je me suis dit, bah c'est quand même fait par le même scénariste. Le dessin est pas si mauvais, mais c'est le scénario. Il y a eu des idées super intéressantes, genre les cachetons qui cachent les visages et tout pour arriver à pas savoir. Il y a eu des trucs super intéressants. Non, mais le dessin est sympa, mais c'est le scénario qui est vraiment, vraiment nul, quoi. Voilà, et voilà, on vient de faire un quart d'heure de discrétion encore, qui venait de dire au revoir. On va dire merci à Johnny, puisqu'il a le micro. Merci Johnny. Mais de rien. À la prochaine. Je vais retourner dessiner maintenant, je sais même pas quelle heure il est. Il est... 2h29. Il est 22h15, ça va, on n'a pas trop digressé. Merci à Jordan. Bah de rien, c'est... Et merci à Romain Mathieu. Oui, merci à tous les deux, oui. Bah, et... Prochain podcast Star Wars, tu m'invites. Ok, il n'y a pas de problème. Un autre podcast Star Wars. Je sais pas de quoi on va parler dans le prochain numéro. Tu veux des idées? Peut-être de Superman Rebirth, malgré ce que Juni ne voulait pas faire sur le Superman Rebirth. Mais non, moi ça me hype, j'ai envie. En plus, j'ai l'impression que pour... t'as lu Super Sun sans avoir lu Super... Ok. Ouais, mais c'est pas encore sorti, donc on verra bien. Moi je vous dis à la prochaine, et bye bye. Ouais, ciao.